Salut, c'est Sacha. Salut, c'est William du groupe Début de Soirée. On est content d'être avec vous sur 80 à l'heure. Yes. Oui, il n'y a pas de saison pour que vive la musique, mais il y a un horaire pour écouter RQC, évidemment. C'est de 20h à 22h30, c'est l'émission 80 à l'heure. Comme tous les mardis soirs, avec une belle programmation. Mais avant de parler de la programmation, on va faire un petit tour de table pour saluer nos joyeux comparses et alcooliques. Acolytes, pardon. Hein, Canon? Je resterai anonyme. Bonsoir, Canon. Mais non, mais toi, je suis l'acolyte anonyme. Non, moi, souvent, ah, oui. c'est ce que je dis. Nous, on fait partie du club des alcooliques connus. Oui, c'est vrai aussi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hein. J'espère que vous allez bien. Bah ouais, écoute, ouais, on est content de te retrouver à 8h, puisque la semaine dernière, quand même, on a dû attendre jusque 21h pour te retrouver. C'est vrai. Ça fait donc du bien aussi de vous écouter, parce que je vous écoutais, en fait. Bah, comment t'as fait? Ouais, ah oui, bah, parce que la radio, à la friterie des artistes, je vais pas leur faire la pub, mais ils étaient en train de mettre, j'aurais demandé de mettre RQC, ils ont mis RQC. Ah, c'est bien. Bah oui, parce que j'étais avec un ami, puis c'était pro, et il fallait absolument que je prenne du temps. Je lui dis, ouais, je pourrais écouter l'émission, il dit, ouais, pas de problème. Et ils arrivent à recevoir là-bas? Ils sont quand même à 64 mètres de nous. Et, voilà, et je leur fais un coup de pub parce qu'ils voilà, font très bons hamburgers, sont super sympas. Et puis là-bas, voilà. Et c'est arrête, aussi. En face du Marius Taquet. Ouais, voilà. Absolument. Eh bien, on continue le tour de table. Là, ce sera la voix féminine que vous venez d'entendre. C'est notre amie Onissa. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et bah, vous allez bien? Oui. Maintenant, mieux. Ah oui, j'adore. Quand on t'écoute à chaque fois, waouh. Ah bah j'espère que les auditeurs c'est pareil. Ça me fait penser au sketch là, Gérard Blanchard. Oui. Bouchard. Gérard Bouchard. Bonjour, quel est ton nom? Gérard Bouchard. Tu connais pas ce sketch? Non. Ah, c'est téléphone rose. Non, c'est pas ce que comment il s'appelle? C'est Derek, Jean-François Derek. Voilà. Donc qui a toujours un petit bonnet rouge. Voilà. C'est pas le commandant Cousteau. Hein, elle connaît Derek, mais. Oui, ça je connais. Jean-François Derek. Des Derek, j'en ai connu, mais. Des Derek, jamais. Derek, non. Et puis, bien sûr, donc le dernier pour la fin, le meilleur, c'est Sherlock. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oh, c'est beau. Ouais. Et ce soir, par contre, nous n'aurons pas Flipcat, ou alors il arrivera tard, puisqu'il est dans le Pas-de-Calais, pour des raisons professionnelles, donc peut-être qu'il viendra nous rejoindre, mais d'ici quelques minutes, ou voire peut-être d'ici une heure, si tout va bien. Ou pas. Ou pas. Voilà. Ah, normalement, il nous a promis qu'il allait faire un coucou. Hein. Oui. Donc, ce serait bien qu'il vienne quand même. On lui a envoyé un message quand même. Hein, bon, ça va. Je préfère qu'il fasse coucou que caca d'ailleurs. Parce oh, dis Ça commence bien. Alors, Canon, tu nous as préparé un petit truc? Absolument pas. On n'a pas dit bonjour à Harry quand même. Bah, si, moi j'ai dit bonjour. Non, nous, à nous. Mais j'ai pas envie de dire bonjour. Bah, moi oui. Bonjour, Anissa. Bonjour, Harry. Tu n'as même pas fait la bise. Oui, mais on s'est fait autre chose alors, chut. D'accord, ok. Faut pas. Attends, et puis toutes mes fans. Point. Tout est quoi? T'as des fans. Donc, okay. Bon allez, on arrête nos chroniques. Non, bonsoir. Voilà. Alors, donc non, j'ai pas fait de chronique. Hein. J'ai pas fait de chronique. Bon, c'est pas grave puisque de toute façon on va avoir une belle programmation. On va recevoir des artistes d'ici quelques instants. Tu nous en parleras d'ailleurs. Hein, oui, absolument. Ces deux artistes, donc c'est Fabrice Duhauzeva évidemment qu'on connaît puisqu'il aura une belle actualité. Je crois que c'est le 17 décembre, hein, c'est ça? Absolument. Oui. Bah, on en parlera, etc. Alors il est sur la route, il travaille. J'espère qu'on va pouvoir l'accueillir assez rapidement. Donc il sera pas là tout de suite dans nos locaux, mais dans tous les cas, on va parler de l'association dont on a déjà parlé, c'est Un rêve, une étoile et tout est possible, qui organise justement cet événement avec des artistes, et on a des extraits musicaux en attendant qu'ils arrivent, parce que bah, pour l'instant, ils sont pas dans les locaux, ils vont essayer de venir. Voilà. Bon, bah, c'est bien. On espère bien. Oui, ou sinon on demande à Onissa de chanter. Voilà. Oui, mais elle chante, Onissa, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais elle chante, Onissa. Elle chante, elle va encore nous faire le coup. Oui, mais j'ai un testicule. Pas testicule. Pas un glaucome. Qu'est-ce que t'as sur les cordes vocales? Des nodules. Ah, un nodule. C'est un testicule noduliste qui l'embête depuis X temps, tout simplement pour qu'elle ne chante plus. Mais elle chante très, très bien. Ah, si tu pourrais chanter du Bonnie Tyler. Non, mais elle chante très bien. On a fait un championnat karaoké il y a un an de ça, tout ça. Voilà. Elle chante très, très bien, bien sûr. Tu pourrais nous chantonner là un petit Edith Piaf? Non. D'accord, moi ça me mérite d'être clair. Court, Mais il faudrait que tu nous fasses écouter, t'as des enregistrements? Non. Si, moi j'en ai. C'est bien, il faudra que tu nous fasses écouter ça. Alors, évidemment, avant de recevoir nos artistes, pendant qu'on va recevoir nos artistes, eh bien, on aura deux chroniques, évidemment. Donc, à 21h, c'est la chronique Rétro Ciné 80. Oui, bien sûr. Et oui. Avec un film de je ne sais plus quelle année, encore une fois. Attends, je vais. Mais on arrive tout le temps là-bas. C'était un mercredi. Mais ouais, mais c'est ça, mais. De 1981. Je fais pour toi, ça. C'est un mercredi. Oui, oui, mais c'est ça. Sauf que la semaine passée, j'ai quand même trouvé. J'étais trop fière. C'est vrai. Et assez rapidement, d'ailleurs. J'espère que cette semaine, tu vas trouver aussi, d'ailleurs. Ah oh, oui. Et Harry nous fera une mini-chronique, quand même, et va nous commenter et revenir sur les Miss Waterloo. Absolument. Parce que malheureusement, voilà, c'est vraiment un événement auquel je voulais assister, j'ai pas pu. Ouais. Et sincèrement, bel événement. Bel événement. Dans les deux sens du terme. En plus de ça, moi, j'avais trouvé qui allait être Miss Waterloo. Je ne sais même pas. On en parlera après. Je ne sais même pas qui. Je ne sais même pas qui. C'est même été une surprise. Non, moi j'étais sûre, je te l'avais dit. Eh ben ouais, c'est curieux, hein, comme quoi les femmes elles ont une intuition, un sixième sens. Ouais. Et moi maintenant je crois savoir pourquoi l'une des Miss qui se présentait n'a pas été élue. Je vous le dirai aussi. Oh, eh ben ça marche. Ça marche. Ouh là là, la rumeur qui va courir. C'est ça. Moi j'ai attrapé une hémorroïde, je vous expliquerai. Comment tu l'as soigné ou comment tu l'as attrapé? Comment je l'ai attrapé? Et n'oublions pas évidemment qu'à 22h ce sera les sorties ciné. Les sorties ciné, ouais, c'est ça. Ben, ça marche. Et ben on va se faire une coupure musicale. Un dernier mot, on cherche au niveau des auditeurs si quelqu'un avait un petit ventilateur chauffant pouvant se mettre sur une prise 12 volts. Est-ce qu'il pourrait prendre contact avec nous? C'est très, très, très important. Et urgent. Et avant 22h30. Et oui, ce serait bien. Ce serait bien. Parce que ça aurait gelé. Mais c'est pas une blague. On a vraiment besoin. Oui. Si vous avez une prise 12 volts avec un petit ventilateur, vous passez à la robe. Non, mais chauffant. Pas une clim. Un petit ventilateur chauffant. Vous savez, les trucs chinois là, à 25 balles qui se mettent sur un 12 volts. On a vraiment un problème technique. Cas d'urgence. Et on a un cas d'urgence pour exactement. Ce soir. Voilà. Voilà. Et je lui offre un autocollant RQC. Chauffant. Dédicacé. Mais sérieux, j'ai retrouvé des autocollants RQC, tiens, dis donc. Ah ouais? Ouais. Attends, dédicacé avec des moufles, ça va être dur. Bon, on va faire une coupure musicale avant qu'on se fâche. Alors, une petite coupure musicale. Alors, spécialement pour ma mère, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, donc, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Son prénom? T'as une mère? Marie-Hélène. Ah ouais. T'as une mère? Oui. T'as une mère? Oui, Marie-Hélène. Ah oui, faut chanter. Ah oui, qui est adorable. Ah, oui. Oui, qui est adorable. C'est vrai, t'as une maman adorable. Oui, je la connais pas énormément, mais on s'est déjà rencontrés. Ah mais je crois que j'ai jamais croisé moi, en fait. Je dis oui, c'est vrai, mais non. Aussi, t'as dû la voir à mon mariage, quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais donc, j'ai pas vu longtemps. C'est ça. Après, tout s'est embrouillé assez rapidement. Oui, voilà, tout ça. Il ne croit en rien, c'est un païen. Voilà. Donc, ouais, tu m'expliqueras hors antenne. Même, hein. Alors, je vais passer Rock Voisine avec Hélène, parce que je sais qu'elle adore Rock Voisine. Et Cabrel avec Marie, non, Marie. Pas du tout. Non. Et pour rester du côté Québec et tout ça, je vais passer Canada avec Mourir les sirènes. Ok, bah vas-y. C'est canadien, ça? Ah bah, pas du tout, mais c'est le nom du groupe Canada. Ah pardon, bah, ils sont peut-être canadiens, non? Je sais pas, ouais, faudrait qu'on regarde. Ok. On va voir ça. Bah, allez. Pourquoi c'était une tante, le mec? Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Things you do make me crazy about you. Pourquoi tu me

Salut les petits clowns, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Oui, vous êtes toujours sur RQC, l'émission 80 à l'heure. Canon, je parle. Bah oui. Donc vous avez reconnu, Canon est bien arrivé à l'heure. Donc voilà, nous allons recevoir... C'est nul, tiens, je dis bonjour tout à l'heure, j'étais à l'heure. Oh là, je suis plus là. Non. Je suis plus là. Vous êtes fatigués les gars ou quoi? Moi je suis une fille, hein, juste pour info. Bah ouais, oui, mais l'homme l'emporte sur les femmes, désolé. Pour une fois, oui. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et oui, donc évidemment un bel événement ce soir. Et d'ailleurs on va recevoir les artistes d'ici quelques minutes, si tout va bien, hein, puisque bon, c'est pas toujours évident pour eux. Mais alors un événement dont Canon nous avait parlé il y a quelques temps... qui s'intitule Faites un rêve. Faites un rêve, F-E-T-E-S, ouais. Comme faites la fête, faites un rêve, oui absolument, donc il va en fait avoir un événement donc musical, alors ça Dieu sait qu'il y en a, mais là par contre c'est des chanteurs qu'on a déjà rencontrés, pour ne pas le citer, Nolan, que nous oui. avions déjà reçu dans l'émission, donc un chanteur vraiment assez exceptionnel, avec... est-il besoin de le présenter, monsieur Fabrizio Zeva, donc oui. Qu'on a aussi entendu et dont on parle très souvent à Moucron, et donc Mélanie aussi Bonfito, donc je mets pas en dessous, on en parlera avec les organisateurs, je la connais pas personnellement, donc je peux pas dire tout ça. Alexis Confortorio aussi et Martine Viala qui sont des chanteuses, et tout ça sous l'égide de l'ASBL, un rêve, une étoile et tout est possible. Voilà, donc le 17 décembre au Chin Chin. Donc on va en parler avec les l'organisatrice surtout. Zéro. Bonjour. Ah oui, mais je sais son prénom. Ah, pardon, on voyait que t'hésitais. Non. La solidarité. L'organisatrice, parce que non, mais la directrice, tu es la responsable de l'association, Véronique. Oui, oui, oui. Voilà, avec Véronique. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Véro. Oui, c'est vrai que le prénom, c'est comme si je le savais à blanc. Non, mais je sais que c'est Véro. Je sais que c'est Véro. Qu'on a déjà reçu une paire de fois, comme on dit, et une paire, c'est deux. Donc, je suis VIP, je crois. Voire deux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, raconte-nous un peu. Faites un rêve de qu'est-ce que c'est déjà, hein. Eh bien, comme vous êtes au courant, de toute façon, je le dis partout, dans toutes les radios où on passe, mais voilà. Suite à parce que tu es passé dans d'autres radios, sors tout de suite. Oui, ben oui. Bah, par contre, cette fois-ci, tu seras écouté. Ouais. Je suis content. Par une personne de plus. Voilà. Ça, c'est fait, voilà. Alors, les autres radios, si vous m'entendez, voilà, pas vrai. Non, ils nous écoutent pas. Ils ont du goût. Donc, bah, comme vous le savez très bien, qu'on a fait un concert avec Madame Segarra, qui était un gros flop financier, enfin flop total. Donc, nous, on avait prévu un événement, comme on avait fait l'année passée, au mois de décembre. On s'était dit, bah, là, c'est mort, parce que vu les pertes qu'on a eues, c'est pas possible, on pourra pas le faire. Ouais. Et ben là, comme quoi dans la vie, ben même dans les coups durs, ben il t'arrive toujours des belles choses. Il y a le patron du Chin Chin d'Antoin, donc c'est pas près de chez nous, c'est quand même près de Tournai. C'est quoi le Chin Chin alors? Alors le Chin Chin, c'est un genre de piano bar où ils font des spectacles, voilà. D'accord. Et oui, séminaire, enfin voilà. Oui. Et, c'est un restaurant chinois. Elle est bonne, t'es en forme Marie aujourd'hui. Ça, oh non. Il fallait le faire, ça là. Il est chaud aujourd'hui, ça va. Il faut savoir qu'en Chine, d'ailleurs, Chin Chin, ça veut dire petit zizi quand même. C'est pour ça qu'Harry, c'est... Okay. C'est ça, j'ai plein de potes qui font Chin Chin, et moi je fais santé. C'est, ça, voilà. Alors, c'est pour ça que quand on dit à la tienne... Donc voilà, et donc le patron, monsieur Rimneri, pas tout le nom, parce que Bernard Andouche, il a dit, bah, écoutez, moi, pour votre événement, je vous prête mon établissement. Ah, ah bien, sympa. Sympa. Bon, c'est cool d'avoir un établissement, enfin, il était encore à avoir des chanteurs pour y mettre dedans. Oui, bien sûr. Donc, budgétairement, c'était serré, mais même plus que serré. Et là, on a les artistes au grand cœur qui sont là. Nolan qui a dit, moi, je viens. C'est Nolan. Gracieusement voilà. Oui. Ah ouais. Wow, Fabrizio, c'est Fabrizio quoi. Oui. On connaît son grand cœur. Trop mignon. Non, je rigole. Alexis qui nous vient quand même de Toulouse aussi. Donc voilà. Et Mélanie qui vient de Pérou et qui est une chanteuse qui chante super bien. De Pérou, ah oui, d'accord. Et oui, c'est pas très loin d'ici. Non, je comprends, je chante bien. Et puis et voilà, donc tous ces chanteurs ont fait que l'événement puisse se faire sur deux jours. Alors le 16 et le 17 décembre. Et bah, quand on voit un élan de solidarité comme ça autour d'un désastre comme il y avait eu avant, bah moi je trouve que ça fait quand même du bien quelque part. Alors ouais, sans parler de désastre, ouais, parce que je connais bien, il y a quand même eu une super organisation. Le désastre est venu d'un gros ouais, problème de ouais, se faire rouler. Moi je connais les faits, donc c'est pas vous qui avez merdé. Par contre, alors ça se passe en deux fois, hein, donc il y a deux jours et voilà, deux spectacles distincts. Voilà, mais c'est tout au profit de l'association. Donc il y a le samedi, le vendredi pardon soir, ce n'est qu'Alexis qui fait un spectacle de Noël, donc avec des chants de Noël. Enfin, vraiment tout le spectacle, mais un spectacle de Noël. Avec Martine Viala, qui est une ancienne cantatrice du Capitole de Toulouse. Ah oui, donc ah elle oui, est ah quand même oui, pas un petit peu... C'est chanter un peu. Ouais. Et le samedi, eh ben, voilà, les cinq chanteurs seront réunis. Donc là, il y aura les cinq. Donc, les cinq, donc ouais, on rappelle Nolan, ça, Fabrizio, Mélanie, Alexis et Martine. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors justement, dès 20h, on peut s'attendre à un spectacle qui sont quand même cinq. Donc ils chantent chacun une ou deux chansons. Alors c'est un spectacle, c'est 2 heures, 3 heures intégrales. Alors, bon, voilà, ils vont chanter à tour de rôle. Donc, ouais. Normalement, c'est prévu une demi-heure, trois quarts d'heure par chanteur. Oui. Mais je sais pas, il y a un oiseau dans le studio, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Je crois que Béa est responsable. Je suis pas sûr, mais si, si. Je pense que c'est ça. Charlotte qui a ouvert sa braillette. Ah, c'est ça que ça siffle. Non. C'est ça le petit oiseau. S'il avait ouvert sa braguette, ça aurait fait. Ting ting. Tchin-tchin, ouais, ça. Tchin-tchin. Pardon. Oui, Véro, elle peut penser aussi. Ouais, non, mais je suis habituée ici. Désolé, Véro. Non, c'est pas... Ici, je suis habituée. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, maintenant, on m'a coupé, c'est gentil. Désolé. Retrouve le fil, Véro, vas-y. Alors, donc, voilà. Donc, ils vont chanter à tour de rôle. Et il y aura des duos, aussi. Ouais. Entre les chanteurs. Et un final, pour voir le final, il faudra venir. On peut pas en dire plus. C'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un titre auquel je pense qui sera chanté? Oui, au final. Ah, les salauds. D'accord. J'adore Pierre Perret. Voilà. Le zizi. Je suis intuitif, hein, mais j'ai des contacts. On a les mêmes. Allez, sérieux? Non, de quoi, tu veux dire qu'ils t'ont piqué You Raise Me Up? Non. C'est Josh Groban qui lui a piqué You Raise Me Up. C'est ça. Non, mais sans trahir secret, je pense que simplement, parce qu'on n'en parlait pas, c'est que l'association, donc Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible, recueille en fait des fonds, parce qu'on le dit jamais, ouais, tellement dans l'habitude, qui sont faits en fait pour pouvoir accompagner des enfants, en fait, bah, dans des spectacles, en vacances, ou même parfois, je pense aussi, que ce soit des meubles ou des hébergements, voilà, ou les aider, des etc. Gens, donc voilà, c'est vraiment des gens dans le besoin et à fortiori plutôt pour les enfants. Et ils ont eu cette idée aussi à une époque de créer avec un monsieur qui est après tu le diras de toi-même, qui est auteur-compositeur, qui connaît très bien Nolan, de faire une chanson en fait pour l'association, si je me trompe. Ah oui, pas, tu oui, vois, c'est vrai, je suis bien informé quand même, voilà. Oui. Et donc je connais un petit peu la chanson, mais je la chanterai pas. Ah non, c'est le suspect. Ah bah non, mais personne la connaît, sauf ça sera la première fois là. Et elle sortirait quand la chanson? Alors la chanson, comme je dis, on veut faire un collectif dessus, donc ouais, il faut avoir plusieurs chanteurs. On a déjà quelques-uns. Et oui, je vais faire. Non, mais c'est vrai que je vais chanter dessus, c'est pour ça que je la connais. Voilà. Ouais. Et on voudrait faire un genre de collectif un peu comme les Restos du Cœur, donc avec plusieurs chanteurs. Ah ouais. Et ah, cette, oui, cette chanson a été faite, vous pourrez l'entendre tout à l'heure si on la passe. On va la passer. Cette chanson a été créée par le compositeur et l'auteur-compositeur de Nolan. Donc pour la musique, c'est Eric Salucci, et pour les paroles, c'est Frédéric Dampierre. Mmh. Cette chanson a été faite sur mesure pour notre association. Ah, tout droit, ouais, tout chouette, droit est reversé à notre association. C'est déposé SACEM, donc il n'y a pas de souci, et c'est pour nous. Donc la chanson, donc chapeau. Ouais, et je pense en avoir parlé à Harry une fois, si tu te souviens bien. Je suis pas le genre à sortir les violons. Quand on m'avait dit ça, je me dis, essayer de s'attaquer un peu à un standard qui va ressembler un peu au Resto du Cœur. Je me dis, où est-ce qu'on va se retrouver, nous, une vingtaine de chanteurs? Et on me l'a fait, c'est Béa qui me l'a fait écouter dans ta voiture pendant 20 minutes alors que j'étais à la bourre, et je me suis dit, putain, c'est chiadé, ça va le faire. Non, c'est vraiment très très bien écrit, ça bouge, vous allez entendre, on est un peu dans... Et on peut pas avoir un scoop et avoir le titre? On va le passer dans tout, oui. Ça va passer. Alors ça sera avec, sauf erreur, la voix de Salucci, qui chante très très bien, mais qui, sans le disait lui-même, sans prétention, va poser sa voix dessus, c'est sympa, mais c'est une maquette très professionnelle, mais qui a rien à voir avec, là, il y aura avec le résultat, Fabrizio, Nolan, il y aura de grands chanteurs, etc. Et il y aura... Pardon. D'accord. Et lui aussi, bien sûr, oui, tout à fait. Et la sienne aussi. Mais on sera très nombreux à chanter là-dessus, en studio. Si vous voulez ma voix, surtout, bah, vous m'appelez pas. Hein. Non, Bernard ne pouvait pas venir. Daniel non plus. Mais la tienne non plus. Ok, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va en reparler évidemment de cet événement. On va faire une petite coupure musicale. Oui. Alors, Sherlock, est-ce qu'on a des nouvelles pour le 12 volts avec chauffage pour une spéciale voiture? C'est important. Hein. Pour l'instant. Ah, attends, j'ai peut-être. Ouais. Est-ce que. Ah, ça m'intéresse. Peut-être quelque chose. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider? Parce que... Non, du tout. Non, du tout. Bon, c'est pas grave. Pourtant, on n'a pas dit pour qui. On sait, si, on dit... Alors, si on l'avait dit, j'aurais répondu. Ouais. Va te faire foutre. Bon. T'as qu'à marcher. Non, il va faire alors, bon, chine. On va sur une petite coupure musicale. Alors, avec Queen et David Bowie avec Under Pressure. Ouais. Et ensuite, un titre que j'ai pas mis depuis un petit bout de temps, c'est Billy Ocean avec When the Going Gets Tough. The Tough Get Going. Alors vas-y, redis le titre. When the going gets tough, the tough get going. Oh, ça répète. Ah non. Impossible. C'est quoi ce stuff? Ce stuff. Ah ouais. Tough. C'est quoi? T-O-U-G-H. Donc en fait, c'est ah oui, tough. Ouais. La toux. Non, je vois. C'est quand tu tousses, non? Non. C'est pas. C'est les dents, non? Tousse, titre. Non, là c'est tough, T-O-U-G-H. Ah, Philippe Cator était là, il nous aurait traduit. Oui, mais je vais regarder sur Google. Oui. C'est bien. Eh ben ça marche. Allez, c'est parti. Je t'en prie. So slashed and torn. it's tough to tough. Get going, going, going, going. Salut les gars les filles, c'est Richard Gottener dans les écoutilles. Retrouvez-nous avec Harry sur RQC dans 80 à l'heure. Je compte sur vous. Salut les gars. Ciao. Et salut les filles. Ciao. Et oui, vous êtes toujours donc dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. J'espère que vous passez, on espère que vous passez une très bonne soirée avec nous, musicale. Et nous sommes aussi en compagnie de l'association l'ASBL, Un rêve, une étoile et tout est possible. Voilà, nous étions en train de parler de ce spectacle qui aurait lieu le 17 décembre, donc dès 20h au Tching Tching. Donc le 17 et le 18. Non, le 16 et le 17, d'accord. 16 et 17. Ah oui, bah pardon, bah là pour le coup c'est moi qui me trompe. Pardon, le 16, et le, donc c'est vendredi 16 et samedi 17 décembre, au même endroit, à Antoin, voilà. au Chin Chin. Quel côté, Saint-Antoine, parce que du côté de Tournai. Tournai. Ah, ça va, c'est pas non plus. Enfin, c'est un peu plus loin que Tournai. Ouais. C'est entre Valenciennes et Tournai. Antoine Perouet, non, c'est pas une blague. Ah, ouais, d'accord. Bah, bien sûr, okay. C'est là. La... Je regarde tout bizarre, la Valenciennes. Si, entre Nivelle Perouet, je peux t'en parler, je connais. Oui, c'est entre Miami et Tombouctou. Non, ah, ouais, non, j'imaginais pas que Valenciennes. Ah, ouais, d'accord, ok. D'accord, ah, si, d'accord, c'est pas si loin. Regarde, quand tu as tourné, t'as aussi une indication pour aller direction Douai-Valenciennes. C'est vrai, c'est vrai. Pas, tu as raison. C'est pas très, très loin. Hein, tu as raison, mon ami Canon. Et donc, les conditions, alors, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé des tarifs, mais donc, pour venir assister donc au spectacle. Soit le 16, soit le 17. Alors, le 16, si vous venez le 16, vous avez l'entrée qui est à 20 euros oui. pour le spectacle et vous avez en même temps un repas donc avec zakouski, apéritif et plat consistant. Donc, soit zakouski. Carbonade, oui, ah oui, des toasts. Apéritif, les zakouski. Zakouski. Des toasts. Ah, on a, vous dites ça comment? Des zakouski. Bah, des... Ah, je connaissais pas moi. Ah non, c'est vrai. Ah, moi non. Zakouski. Bah, les zakouski. Bah, c'est l'apéro. Bah, c'est des petits les à part petits que c'est pas chips ouais voilà c'est des canapés c'est des chips voilà ah, ouais, c'est plus sympa quoi ah je sais pas les zakouski alors là j'en apprends moi j'ai un pote qui s'appelle Zach c'est Zach en ski par contre mais ouais t'as les acouphènes aussi mais c'est pas la même chose ouais, d'accord donc excuse-nous donc le menu zakouski donc ça donc apéritif zakouski soit carbonade frites ou papillotes de poisson sauce crustacée et le spectacle donc pour 20 euros. Ah ouais, dis donc, c'est vachement démocratique. Ouais. Le lendemain, donc c'est 20 euros, mais là vous avez 5 chanteurs. Et donc c'est pareil, c'est 20 euros, mais là vous avez le Ki Royal avec les toasts ou les akouski. Ah oui, tu veux dire les akouski, voilà, oui. Aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Et alors aussi compris, donc 20 euros, c'est 20 euros par soirée, si vous voulez. Quoi. D'accord. Ouais, bah, comment fait-on pour eux? Alors j'imagine qu'il faut et réserver. 10 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Et 10 euros pour les enfants. Voilà, oui. Et par contre, la veille, vous pouvez venir que au spectacle. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le repas. Si vous venez avec le repas, c'est 20 euros. Si vous prenez que le spectacle, c'est 10 euros. D'accord. Voilà. Ouais, sympa. Donc on a le choix. Ouais, franchement, et, et comment fait-on pour... Il faut réserver parce que j'imagine que les places sont limitées. Oui, voilà. Il y a 180 places, donc c'est pas non plus super grand. Ouais. Donc il faut réserver parce que ça commence à se remplir, surtout le 16. Parce que bon, Alexis, dans le coin, il y a quand même un fan club assez... voilà. Et Fabrizio qui est au sein. Voilà. Oui, évidemment. Ça ramène évidemment, bah tiens. Et Mélanie, pareil. Et Nolan aussi commence à avoir maintenant son petit fan club par oui, ici. Oui, bien voilà. Sûr. Et donc, ben vous réservez soit vous allez sur notre page ASBL et vous avez un lien pour une billetterie en ligne ou vous réservez directement au Chin Chin, alors à Antoine. Donc, Est-ce qu'on a les coordonnées de Chin Chin? Bon, j'imagine qu'elles sont sur c'est la page Facebook. C'est 13 rue de la Pêcherie, oui. Tout est noté sur notre page Facebook de l'ASBL. Là, on dit l'ASBL, donc c'est un rêve, une étoile et tout est possible. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez voir un petit peu les animateurs et les personnes qui sont autour de cette table, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'ASBL, un rêve, une étoile et tout est possible. Nous sommes en parce qu'il y a un live qui est en train de tourner. Là, hein. Ouais, avec tous mes akouski. Voilà, et on fait les présentations quand même. Donc on a Mimi Mati qui est avec nous. Hein, voilà, qui est là. Ouais. Claque des doigts un coup. Véro, évidemment, qui est là. Et Canon, si vous l'aviez toujours pas vu. Je suis content d'être RTL. Voilà. Et Sherlock, alors et Sherlock, là, faut pas le louper non plus. Montre ton ouais. t-shirt. Ah, ouais, aussi. Ah bah oui. T-shirt, ouais. Allez, allez. Ouais. Non, ton t-shirt. Tchin tchin. Tchin tchin. Et vous avez Harry pour terminer. Ouais. Oui. On va vous le montrer. Oui, une fois. Voilà, c'est vrai. Ça surprend. Eh, vous voulez voir mon t-shirt? Ça choque. Ouais, ça choque. Hein. Attention, c'est choquant. C'est, hop. C'est, voilà. Hop là. C'est quoi? I want beer. Oh, d'accord. Ça y est. C'est pas celui que tu portais en 1984? Ouh, c'est un vieux. Ah, si. Ah, oui, si, ouais. Il y en a eu de la bière. Voilà, donc, on vous a présenté Harry, oui, c'est vrai. Il bah, oui, a oui, une oui, voix très jeune et dynamique, mais c'est. Mais c'est que la voix. Voilà, c'est que la voix. C'est que la voix. Il y a bien qui est en train de me parler en morse derrière, pendant, en me disant, dis des trucs à la radio parce que t'en dirais. Je comprends pas, Béa, ce que tu dis. Vas-y, répète. Alex, elle, elle a dit mort de rire. Voilà. Ah, Alex, ça ah, veut oui, tout ça pour ça. Ah, parce que Alex. Non, alors par contre, moi, j'ai un petit message de Marjorie de Mullier qui était là donc, la semaine dernière, bien sûr. Qui nous dit hello les loulous et les topines, je pense fort à vous, merci pour tout. Rien n'est impossible à celui qui croit. J-10 jours avant le défi extrême. Oui. Et oui, on t'embrasse et puis un gros bisou, Margot. Ouais. Ah, en même temps, je lui ai répondu qu'on avait confiance en elle, de toute façon, elle va tout déchirer. Moi, je te souhaite bonne chance parce qu'elle traverse une épreuve personnelle, elle a eu un décès familial, donc on t'embrasse tous. Elle a perdu son parrain, et voilà, et on se rallie évidemment à sa peine et on lui fait des gros bisous. Oui, plein de gros bisous. Des gros bisous d'encouragement déjà. Ce qu'on peut faire, tiens, dis donc, parce que tu nous parlais de cette chanson qui est préparée rien que pour la SBL, est-ce qu'on peut justement l'écouter, justement, la maquette, en rappelant on qu'effectivement... est impatient, oui. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, Canon, c'est une maquette, c'est ça? C'est une maquette, absolument. Ouais. Oui, donc, donc c'est un collectif. Alors, c'est une maquette déjà fort aboutie au niveau musical, mais toutes les voix en fait des chanteurs et chanteuses ne sont pas encore posées parce que ça va nécessiter d'être fait en studio et ça sera vraiment professionnel. Ouais. Donc, pour pas cacher, on avait une approche. Une fois, j'avais un studio à une époque, mais des choses personnelles font que je n'en ai plus, donc c'est un peu compliqué. Mais ça va se faire, je pense, incessamment sous peu. En 2017. Il y a des belles choses qui arrivent. Ouais, tout à fait. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire du triangle, ping, moi je veux bien être là. Oui, du moins que tu chantes pas. C'est ça. Ting, ting, ting, ting. Ting, ting. Alors, bien sûr, même. Oui, évidemment. Évidemment. Alors, le titre, du coup, on peut le connaître. Un rêve, une étoile. Un rêve, une étoile. Eh ben, alors, on va écouter ça. J'ai deux fois un rêve, une étoile, mais j'ai une démo apparemment, donc ça doit pas être celle-là, et j'en ai une autre. Oui. Ouais. De Eric Salucci. Oui, voilà. Allez, on va découvrir ça. Vous avez entendu, ça bouge très très bien, c'est très sympa. Nul ne connaît son vrai chemin, ni même ne sait s'il sera sien. Il suffit de peu parfois pour changer ce monde-là. Une force solidaire, un espoir, telle une lumière. Il y a besoin de peu de paroles, de peu de sourires qui consolent. Avoir plus de passion d'amour, un peu d'affection en retour. Il suffit de vivre vraiment, chaque seconde intensément. Casser le mur qui sépare, garder l'effet du hasard. Offrons-leur un rêve, offrons-leur une étoile. Apprendre comme un bonheur, comme un soleil qui brille. Offrons-leur un rêve, offrons-leur une étoile, à poser sur le cœur comme une flamme qui scintille. Quand on y croit, tout est possible. Quand le courage devient visible. Aider qui est dans le besoin, sans pour autant n'attendre rien. Faire oublier l'exclusion, exister en sensation. Oublier la réalité, s'amuser, s'éclater. Chacun mérite sa dignité, chacun mérite d'être épaulé. Vivre à fond des songes perdus que nous donnons en main tendue. Pour ceux qui sont dans la rue, leur montrer ce qu'ils n'ont pas vu. Enchanter les regards d'enfants, contempler leur joie en grand. Offrons-leur un rêve, offrons-leur une étoile. Apprendre comme un bonheur, comme un soleil qui brille. Offrons-leur un rêve, offrons-leur une étoile, à poser sur le cœur comme une flamme qui scintille. Tel un message de confiance à faire passer. Telle une image, une belle chance à conserver. Un rêve, une étoile, c'est bien le titre de la chanson. Alors, absolument. Alors, auteur, compositeur, donc rappelle-nous son nom, parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas forcément. L'auteur, c'est Eric Salucci, et le compositeur, c'est Eric Salucci, et l'auteur, c'est Frédéric Dampierre. D'accord, et Salucci, donc, il est du Luxembourg, c'est ça? Et Dampierre, il est de... Oh, je crois qu'il doit être du côté de l'Auvergne ou quelque part par là. Ah oui, carrément, donc ça veut dire que c'est de France, de Navarre et de Luxembourg. Donc, Et c'est le compositeur et auteur-compositeur de l'EP de Nolan. D'accord, ok. Ah oui, on reconnaît un peu à l'ombre de la couleur musicale de l'ombre de moi-même. Ah oui, oui. Ouais, les deux, et l'ombre de moi-même a été faite par Eric Salucci. Si des gens le rejoignent, c'est vrai que régulièrement, toutes les semaines, on a une vidéo où il se pose sur un clavier avec un chanteur professionnel et dit bah voilà un peu comment je vois les choses et tout, et ça bouge pas mal. Le mec est vraiment très très talentueux. Dampierre, je connais moins parce que là le texte est savoureux. Je sais pas s'il écrit beaucoup, mais par contre Salucci, c'est vraiment quelqu'un. Ah bah, déjà il chante très bien. Voilà. Alors ce qu'on dit aux gens, c'est C'est magnifique, hein. Attention, c'est super. Ce qu'on dit aux gens, c'est une maquette, c'est comme là-bas, c'est un peu présente. Moi, j'en avais parlé à Salucci en disant, mais comme le synthé, ça fait un peu Manureva et tout ça. Oui. C'est pas du tout ringard, c'est très sympa, mais ça sera beaucoup plus orchestré après, avec de l'acoustique, oui, avec un. Ça bouge déjà très bien, mais la voix est un peu en retrait à un moment, parce que mais après, ça va être équilibré, mais c'est vraiment quelqu'un de très, très bien. Rien quand tu vois la maquette, quand tu. Ah, ça va bouger. Ça te donne une idée quand tu vas avoir toutes les voix dessus. On voulait, en fait, il nous a demandé, parce que bon, c'est quelqu'un très abordable, comme il disait, même Frédéric Dampierre. Ouais, il est très. Oui, comme il dit, il est toujours dans son antre, donc il aime bien écrire tout seul et tranquille, et voilà. Et il aime pas trop se faire montrer. Eric a dit, bon ben moi il faut que, vous voulez quoi comme genre de musique? Ben nous on a dit, on veut quelque chose qui bouge, parce que même si c'est une cause triste, enfin triste, oui c'est vrai que la précarité c'est pas gay, on voulait donner une chanson d'espoir. Donc il a dit, ben écoute, je vous fais ça, je vois ça avec Frédéric. Et puis beau jour, Alex elle nous dit voilà... On a une chanson, si elle vous plaît, c'est pour vous. Ah bah, un rêve, une étoile, pas mal. Non mais vraiment, c'est magnifique. On a hâte de voir la version finale. Oui, ouais. Et puis c'est porteur d'espoir. Hein. Franchement, t'écoutes les paroles, c'est le top. Voilà, donc c'est. Ah ouais, j'ai adoré. C'était le but, c'est le but, c'est de se dire que il y a toujours quelque chose, il y a toujours un espoir quelque part, et faut jamais baisser les bras, même si on a envie de le faire parfois, souvent. Notre amie, pour pas la citer, Marjorie. C'est une fille qui se bat tous les jours. Un bel exemple. Ah oui, ça un bel exemple. Et puis, donc, quand on voit ça, on n'a pas le droit de baisser les bras et on ne les baissera pas. Et donc, voilà, c'était oui, juste... mais quand tu écoutes les paroles, tu vois Marjo, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Franchement, c'est bien représentatif. D'ailleurs, si je peux lui rendre hommage à Marjo, enfin, entre guillemets, parce qu'elle est parmi nous, heureusement. Ah ouais. Mais le titre, enfin, le nom de notre SBL, c'est Marjorie qui l'a trouvé. Parce qu'on cherchait, en fait, on cherchait un nom pour notre SBL. Et bon, on avait cherché plein de choses. Moi, je voulais un truc avec une étoile, quelque chose qui... Parce qu'on est toujours rêvé, enfin, rêve, voilà, il faut rêver, il faut... Moi, j'ai toujours la phrase de Saint-Exupéry en tête. Il faut rêver sa vie et vivre ses rêves. Et je voulais quelque chose comme ça. Puis Marjorie, tout comme ça, elle me sort, un rêve, une étoile, tout est possible. Ok. Ah ben je suis pas étonné, tiens. Oui, voilà. Pas étonné de Marjorie. C'est Marjorie. C'est Marjorie. C'est vraiment Marjorie. Et donc voilà, donc ben, comme ça, on a dit ok, on fait ça, et ça l'a touché énormément. Puis on a dit voilà, c'est un petit peu son bébé à elle aussi. Donc on rappelle quand même que donc le titre Un rêve, une étoile, il y aura plusieurs chanteurs qui vont s'y coller. Tu m'as parlé d'une vingtaine de chanteurs, c'est ça? Non, il n'y aura pas. Parce que Eric il dit après ça devient vite ça fait beaucoup cacophonie c'est autre chose ça arrive la cacophonie mais pas dans les studios sur cette chanson plus 10 chanteurs ça serait de la cacophonie il dit donc au maximum 10 chanteurs ouais maxi 10 avec deux voix maxi féminines parce qu'il dit quand il y a trop de femmes ça fait c'est comme partout mais même dans un bureau c'est vite le bordel on vous embrasse à toutes les auditrices c'est Charles. Oui, on vous adore on vous adore et on espère pouvoir vous annoncer donc l'année prochaine parce que peut-être on aura la chance d'avoir quelqu'un de connu pour faire notre CD avec nous donc j'ai une petite idée mais on se taira on va garder le suspense on garde le suspense jusqu'au mois de janvier en antenne quand même que je sais Véro te le dira en antenne un petit clin d'œil simplement parce que l'association a été très très attaquée je vais pas parler en la personne des représentants mais on se rend pas compte c'est entre Hélène Ségara entre les concerts qui sont organisés entre le fait que là monsieur c'est quand même monsieur Salucci arrive à créer ce style de titre. À côté de ça, on a là un concert avec Nolan, il y a quand même Fabrizio Zeva, il y a quand même beaucoup de gens qui participent. Donc moi je tenais à dire, parce que je n'étais pas intervenu la dernière fois, je ne le ferai pas pour des raisons personnelles, ils le savent, mais par rapport au conseil d'Hélène Segarra, il y a beaucoup de conneries qui ont été sorties. Il y a beaucoup de conneries et de choses vraiment assez dégueulasses qui ont été dites aussi sur les dirigeants de l'association. Non, mais là, voilà, c'est moi qui te le dis, tu vois. Et alors qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a vraiment quatre petits bras, surtout, voilà, il y a deux personnes, enfin, vous êtes 4-5, mais il y a deux personnes qui portent ça. Et en attendant, il se passe des choses. Bien sûr. Trois, les doigts que vous voyez, c'est qui est toujours derrière en train de commenter. Elle est muette. Je te taquine. Tu peux te montrer aussi, quand on voit. Attends, regarde. On veut voir. Alors Béa, c'est elle. Voilà, Béa. Un bisou, Béa. D'ailleurs, depuis le fameux concert d'Hélène Segarra, d'ailleurs, on a une. Bon, je la cite parce que c'est vrai qu'on la cite pas souvent. On a Jennifer qui est juriste et qui est. Qui a pris les choses en main parce qu'on n'en restera pas là, ça c'est sûr et certain. Bien sûr. Et parce que nous on s'est fait valoir la main parce que tu parles du sujet, donc voilà, deux secondes, je fais une petite parenthèse. Oui, parce que ça nous a beaucoup fait de mal, beaucoup touché. Et ça aurait pu mettre la SBL, par terre. En péril, j'imagine. Ah, ouais. C'est moche. On a quand même mis, parce qu'on nous a traités de voleurs, on nous a traités, on se mettait de l'argent dans les poches. Moi, je veux quand même dire que personnellement, de mon argent personnel, j'ai quand même mis 27 000 euros. Donc, Oui, bien sûr. Récupéré aujourd'hui, non, parce que c'était l'investissement. Voilà. Donc voilà, donc quand même pour dire que les voleurs, voilà quoi. Mm-hmm. Et donc voilà, donc nous on a dit, de toute façon, prod ou pas prod, c'est peut-être le petit poussé qui va s'attaquer à la grosse montagne, mais voilà, on se laisse pas faire, on se laissera pas faire et on lâchera pas. Quoi qu'il arrive, on lâchera pas. Et en citant, on vous supporte. À toutes les personnes qui écoutent, c'est hyper important. On ne parle pas de Madame Segarra, non, qui est l'artiste. La production. On parle de la boîte de production qui gère l'artiste. L'artiste ne connaît sans rien. Elle vient, elle a son cachet, tout ça. Après qu'elle est, mais c'est la boîte de production. On ne citera pas, mais on ne parle pas de Madame Hélène Segarra. Ça a été très. Enfin, on a fait une conférence de presse d'ailleurs qui a été mal comprise. C'est pour ça que c'est bien que tu reviens là-dessus. Ouais. Ça a été très mal compris parce qu'on a ciblé la production. Et en fait, tous les fans d'Hélène ont pensé qu'on parlait d'Hélène. Or, on ne parlait pas du tout d'Hélène, on parlait de la production d'Hélène. Ouais. Ce qui n'a rien à voir. C'est comme maintenant, si tu parles de la production de Florent Pagny, tu ne parles pas de Florent Pagny. C'est même pas la production d'Hélène Segarra, c'est une boîte de production qui fait appel à des tourneurs, artistes. C'est des tourneurs. C'est pour ça que ça m'a été à un moment compris là-dessus. Donc voilà. Mais c'était un petit aparté parce que en attendant, il y a des spectacles, il y a quand même des gens connus, il y a un CD qui se fait. Et une solidarité quand même. Mais derrière, il y a surtout des gamins qui, à un moment ou un autre, reçoivent un peu de pognon, qui à un moment ou un autre dans un hôpital ou des gens qui s'installent, je le sais pour titre personnel, reçoivent 2-3 meubles qui ont été cherchés ou achetés par l'association pour essayer qu'ils se démerdent et que des gens comme nous, qu'on est dans la merde, puissent s'en sortir. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore 15 jours de ça, d'ailleurs la personne a mis un mot sur notre page ASBL, quelqu'un qui avait perdu tout, mais quand je dis tout, c'est tout, dans un incendie, avec 4 enfants, on n'avait plus rien. Et on a 6 enfants, rectifié BR, toujours en arrière, parce que 6 enfants, et donc on a tout remeublé, il faut savoir de tout, quand je dis tout, c'est tout, c'est garde-robe, c'est télévision, c'est habits, c'est tout. La solidarité des gens, donc c'est-à-dire que les gens nous donnent des choses qu'ils n'ont plus besoin, alors comme je disais, pas parce que t'es dans la précarité qu'il faut avoir non plus, c'est pas une brocante, c'est pas des choses abîmées, ou c'est des choses qui sont... Plus de nouvelles, d'accord, mais bon, nous on prend quand même des choses bien parce que c'est le respect de la dignité. Il y a le respect, la dignité. Et ces gens, ils étaient, ils se sont dit, mais ne pensez pas que, mais vous allez nous donner quoi? Tout, vous voulez quoi? Un salon? Vous voulez un frigo? Vous voulez quoi? Et les gens, avec la solidarité, mais ça on n'en parle pas. On dit qu'on s'est mis de l'argent dans les poches, on dit que. Mais on ne parle toujours que des mauvaises choses, évidemment. C'est courant. Surtout des mensonges, parce qu'il y a un moment, il y a un constat. Enfin, moi, je ne suis pas porte-parole, mais ça m'a énervé un peu, parce que comme je faisais je fais partie de l'association en membre comme ça, mais j'étais vraiment investi là-dedans, et moi, j'ai vu ce qui s'est passé, et j'ai vu les personnes à 30 cm de mon visage, et j'ai assisté à ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Donc, je peux dire que j'étais là, et que l'association n'avait rien, et c'est la boîte de prod qui est une boîte merdique. Ouais, vraiment. S'il faut donner quelque chose, nous on peut donner un animateur. Il y a Flipcat. Bon, malheureusement, il est pas là aujourd'hui. Mais s'il faut, on peut le donner. On s'en sert plus pour l'instant. Par contre, on parlait de dignité là. Par contre, j'ai un message à la SBL, à Rêve une étoile, etc. Pour la dignité d'un individu. Est-ce que vous auriez un petit chauffage 12 volts à mettre qui fonctionnerait dans une petite voiture parce que on a sur un cigare, c'est important. Moi ça me fait très très peur parce que j'ai je vois un mec qui se balade avec un bonnet. Un pompon, un bonnet, un pompon. Je vais vous sortir un film. Ah oui, oui, oui. Non, on va dire aux auditeurs, on rigole depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a la, comment, le chauffage de la voiture de ma voiture qui fonctionne pas. Et donc le pauvre doit gratter à l'intérieur. À l'intérieur, et je vais même gratter mon volant. Tu vois, pour vous dire. Ah ouais, quand même. Je l'ai partout. Par contre, moi, ce que j'ai, c'est un petit frigo, mais ça va pas te servir. Non, justement. Il y a pas besoin de frigo. Et quoi, qui serait peut-être moins froid dans le frigo que dans ta bagnole. Peut-être bien, peut-être bien. Et de là, le chin-chin. Voilà. Bon, ça va, toi, Sherlock. Oui. 21h. Ah oui, exact. J'étais reparti sur une pause musicale, mais comme on a beaucoup parlé. Eh ben oui. Effectivement. Bon, alors, attends, je retire ça de ce fait-là. Parce qu'on fait n'importe quoi, hein. Allez, concentre-toi, Sherlock, un peu. 21h, allez, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Nom de Zeus, les amis. Montons vite dans la DeLorean. Et partons vers l'année 1981. J'adore. Ça fout les jetons un peu. Tu l'as jamais vu le matin. Voilà. C'est parti. Rappelle-nous le principe évidemment du oui, donc ciné 80. Le principe du ciné rétro 80. Ouais. C'est j'ai vu un film cette semaine et je vais essayer de vous en parler. Je vais essayer surtout de vous le faire deviner en vous passant quelques extraits musicaux ou des passages du film que j'ai sélectionné. Forcément, c'est peut-être pas un film que tout le monde connaît, mais justement, c'est pour vous le faire découvrir si jamais vous ne le connaissez non, pas. Mais te justifie alors, pas, surtout, vas-y. Surtout, si vous le connaissez, si vous l'avez trouvé, ne dites pas le titre tout de suite, mais essayez de donner des petits indices pour mettre sur la voie les petits camarades qui sont autour de la table. Surtout moi, d'ailleurs. Surtout Anissa, c'est vrai. On voit qu'on a pris chiffon rouge, les petits camarades. C'est ça, il y a des restes. Camarades. Et Maggie de... je sais pas quoi, là. Maggie de Bloc. De Bloc. Ouais. Alors, vas-y. Donc on est parti. Donc c'est un film effectivement qui est sorti le 8 avril 1981. Un mercredi. Ouais. À 12h30. Je vais vous passer. Alors le film a quand même fait. Avec Roald Simmet aussi, attention. 12h30. Non, je pense que c'est 10h30 qu'il est sorti. Mince, ouais. C'est pas loin. Ouais. Donc le film a fait 2 443 507 entrées au box-office français. Malheureusement, j'ai pas le box-office belgique. Il a gagné un César, 3 BAFTA Awards. Et a eu 11 nominations. Non, pas 3 baffes. Et 11 nominations. Donc c'est un film français. C'est pas un film français. Ah, il a eu un César. Ah, oui, tiens, il a eu un César. D'accord, donc pour un film étranger. Alors. Voilà. Bon, mon choix, il a du César. Alors, je vais vous passer le premier extrait, c'est celui-ci. T'as un indice? Ah, est-ce que bizarrement par rapport à la musique, c'est un film d'horreur? Enfin, plutôt anticipation quand même, non? Oh non, pas du tout. Est-ce que c'est un film en noir et blanc? Oui. Eh oui. C'est pas... Ça m'énerve. Est-ce que c'est un rapport aussi avec le silence des agneaux? Oui. Ah oui. Bon, n'en dis pas trop non plus tout de suite. Hein. Attends. Ah, c'est celui-là. Alors, bon. Merde. Ça me saoule. Toutes les semaines j'essaie de trouver un film qui va pas jouer. Est-ce que tu peux le filmer en direct en gonflant avec sa tête dans le film? Merde. C'est pas vrai ça. Ah bah si, mais forcément. Bon, alors on va essayer autre chose. Je vais vous en donner un. Il faudrait que je fasse un jour, tu fais un je prépare plusieurs films. Je peux t'en donner un autre. Des indices, t'en veux un autre? Non, attends. Masque. Il joue dedans? Ah oui. Il joue dedans. Ah ouais. Ah si, il y a un rapport. Alors ouais. Bon, je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Par exemple, il y a Kenny Baker qui joue dedans. Alors Kenny Baker, il faut savoir que c'est celui qui a été dans le petit droïde R2D2. Ah ouais. Donc c'est un nain. Enfin, oui, une personne de petite taille. Ouais. Ah oui, parce que quand tu... Bon, excuse-moi, Mimi Mati, j'aurais pas dû dire un nain. Une personne de petite taille. C'est une personne de petite taille. Il y a également Leslie Dunlop, Michael Elphick, Hannah Gordon, Freddie Jones, Wendy Hiller, John Gielgud, Anne Bancroft. Ouais. Ça, c'est pour les acteurs, on va dire, secondaires. Il y a un autre John aussi. Oui, mais on va le dire après. Il va fermer sa gueule, celui-là, c'est pas vrai. Hein. Bah, alors, je donne des indices. Attends, je vais justement passer un deuxième indice. C'est un extrait de dialogue. Il va fermer sa gueule. Mais c'est ça, mais il va fermer sa gueule. Bon, c'est bon d'être une radio. C'est bon d'être une radio qu'elle le dit. Ça va, je suis pas un monstre non plus. Non, bah oui. Bon, donc le deuxième indice, c'est celui-ci, écoutez bien. Peut-on savoir ce que vous cachez dans votre antre? Vous le saurez à notre prochaine assemblée. Mais jusque-là, je vous demande de n'en souffler les mots à qui que ce soit. Soit si vous insistez, mais vous avez dû faire la découverte du siècle. Je n'en sais encore rien, mais... Je n'avais pas tort, hein? Jurez-moi le secret absolu, Fox. Absolu. C'est promis. Promis. Mm-hmm. Alors, Onissa, est-ce que tu as une idée? Alors là, pas du tout. Véro, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais pas. Fais voir un coup. Bonjour la solidarité, hein. Canon, un indice. Est-ce que ça a trait avec un animal, le titre? Oui. D'accord, le non, titre mais je. Trait voilà. Un animal, ouais. Ouais. Effectivement. Absolument. Bon, Harry, je te demande même pas. Tu veux un indice, un autre? Non, tais-toi. Bah, moi, je peux t'aider maintenant. Maintenant, je peux t'aider. Et moi, bon. Tu me merde. Mais je alors, si je dis Méric. Oui, je vais passer le troisième extrait. C'est celui-ci, c'est une musique. Alors oui, effectivement, c'est un adagio, c'est l'adagio pour cordes de Samuel Barber. Ouais, voilà. C'est Barber. Et ouais, je crois que Canon, il disait hors antenne qu'on l'entendait dans Platoon, bien et sûr. On l'entend dans Platoon. On l'entend dans Platoon, bien sûr, absolument. Au moment où le gars se fait massacrer ouais, et oui. Qu'on voit la vue d'hélicoptère. Absolument. Alors, William Defoe, d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer également un autre extrait. Alors ça, c'est un extrait sonore, un extrait de dialogue. Écoutez bien, parce qu'il y a des moments où on ne comprend pas très très bien non plus ce qu'ils se disent. Cette canne est une merveille et beaucoup plus élégante que celle que j'avais. Vous reprendrez l'idée. Je ne sors pas aussi souvent que je voudrais parce que il est certain qu'énormément de gens ne supportent pas mon apparence. Vous voyez, la plupart des gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Canon, il a un autre, il a un indice. Vas-y, vas-y. Flip 4. Ah non. Il nous écoute. Alors s'il nous écoute, Flip 4. Eh bien écoute, tu n'es pas loin. Fallait que je sois amical. Alors, je vais... Je pense que la plupart l'ont reconnu. Je vais vous passer une phrase qui est quand même assez emblématique, culte du film. Alors... Je l'ai en anglais et en français parce qu'elle est également connue en anglais. Bien notamment, sûr. Alors sur un album de Mylène Farmer, on l'entend au début d'une de ses chansons. Je suis liberté. Je peux essayer? I am liberty. C'est pas ça. Je peux l'essayer? Ouais. Alors ça, c'est ça plus exactement. I am not an animal. I am a human being. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain, je suis un homme. Je fais la chronique ou les gossilles. Ah non, c'est pas vrai. Ah, il va nous tuer, là, il va nous flinguer. C'est ça. Attends, j'ai un message, c'est peut-être lui. Ah, bah voilà. Donc, l'avantage, c'est que c'est en direct. Non, c'est pas lui, heureusement. Et on a peut-être des réponses sur Facebook, d'ailleurs. Non, bah écoute, là, pour l'instant, pas encore de réponse. Non. Alors, avec, et je vais donc vous passer le thème du film. Je vais vous dire de quoi le film retourne et on va tous donner la réponse en même temps. D'accord. Allez, c'est parti. ça, c'est le thème du film. Je croyais que c'était ça de Stephen King. Ah, d'accord. Bon. Non, c'est pas ça. J'adore RTL. Ah. Ça, c'est trouvé. Ça, c'est le thème du film. Ah, bah oui. Le thème du film. Elephant Man. Et effectivement, Elephant Man. Donc, c'est tiré de l'histoire vraie donc de John Merrick. Ça se passe en 1884 à Londres. Le chirurgien Frédéric Treves découvre un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. Donc John Merrick, le monstre, doit son nom à Elephant Man, enfin doit son nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est renversée par un éléphant. Et donc le docteur, qui est très impressionné par de telles difformités, achète littéralement John Merrick. C'est con. De quoi? J'étais renversé par un éléphant. Le pitch est un petit peu... Bah ouais. Mais non, mais si, il est c'est bien. Mais c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vraiment donc, fait, le docteur Treves achète Merrick. D'ailleurs, il a une grande neige de cheveux. Oui. Il a écrasé ses cheveux par un éléphant. Donc... Elle s'est pris ça que... Donc le docteur Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Et donc le chirurgien pense alors que le monstre est un idiot congénital. Et il découvre rapidement en fait que Merrick est un homme meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité. Absolument. Voilà. Donc c'est un film de David Lynch. Ah oui, c'est ça. C'est David Lynch. Ouais, c'est David Lynch, donc qui avait également fait la série Twin Peaks. Absolument. Ouais. Alors Elephant arrête, Man. Arrête, il va s'énerver. Il alors, supporte pas qu'on rigole pendant cette chronique. Alors Elephant Man est le premier film produit par Brooks Film, la société de Mel Brooks. Ah oui. Et ah le oui. second film de David Lynch. C'est d'ailleurs Stuart Kornfeld, donc un producteur qui avait vu le premier film de Lynch, qui proposa le réalisateur à Mel Brooks. Alan Parker devant à l'origine réaliser le film, et le nom de Mel Brooks n'apparaît d'ailleurs pas au générique, car il craignait que le film soit rattaché dans l'esprit du public aux comédies parodiques qu'il réalisait à l'époque. Bien sûr. Bien donc sûr. Effectivement, j'ai vérifié, on voit pas du tout le nom de Mel Brooks affiché dans le générique, que ce soit au début ou à la fin. Et si t'as, je sais pas si Lynch avait fait quoi en premier, tu l'as, alors non, ça s'appelait Eraserhead. Ah si, ça me dit quelque chose, un film d'horreur. Je ne sais pas. Ouais, non, non, mais voilà, parce que ça me parlait pas le premier. C'était aussi un film en noir et blanc, mais... je crois que c'était Elephant Man, son premier. Avec un mec... d'ailleurs, avec une tête hydrocéphale. C'est ça, le film. Peut-être, je pense. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, le scénario est inspiré de deux romans, donc The Elephant Man and Other Reminiscences, donc les mémoires de Sir Frederick Treves, et The Elephant Man, A Study in Human Dignity, d'Ashley Montagu. Donc David Lynch a tenu... Ça y est, c'est parti. C'est parti. Dès que je vais dire une connerie, c'est même pas une connerie d'ailleurs. Donc David Lynch a tenu à modifier le script, il a éloigné le scénario du fait divers original, et a notamment changé le début et la fin. Ouais. Alors, au tout début du tournage, Anthony Hopkins et le reste de la distribution ne voyaient pas David Lynch d'un bon œil. Eraserhead venait juste de sortir en Angleterre et certains d'entre eux avaient vu le film. Ils avaient beaucoup de difficultés à faire le lien avec la production du film en cours. Mais à la fin du tournage, ils furent parmi les plus ardents défenseurs du cinéaste, effectivement. Enfin, ils ont vraiment adoré tourner ce film et ils ont voulu le défendre... bec et ongles. C'est bien filmé, hein. Ouais, ah ouais, ouais, ouais, très, ouais, très, moi, très bien. Très bon rythme. Alors, lorsque le vrai John Merrick meurt, des parties de son corps sont alors préservées pour des recherches scientifiques. Certains organes sont mis en bocaux et des moules en plâtre. Non, je pense pas. Déchaîner les pieds. Alors, il faut savoir dans le film que la plupart de son corps est difforme, sauf son appareil génital. Hein, voilà. C'est ce qu'ils disent. Qui est écrasé par l'éléphant ? Pas du tout, apparemment. Et c'est la maman qui est écrasée par l'éléphant. Ah, j'ai pas compris. Donc, des moules en plâtre ont été réalisés sur sa tête, un bras et un pied. Pendant les raids aériens allemands, les organes sont détruits, mais pas les plates qui sont épargnées et transférées à l'hôpital de Londres. Et le maquillage donc de John Hurt, qui joue Elephant Man dans le film, a été directement élaboré à partir de ces derniers. Et donc David Lynch avait lui essayé de créer lui-même le maquillage, mais le matériau s'était avéré impropre à la réalisation de prothèses. C'était avec une mousse de polyuréthane ou un truc comme ça, et ça fonctionnait pas pour mettre. Pareil que sa tête était à 90% exactement. C'est ça. Mais c'était sur les moules. Ça fait peur, on rigole, mais ça fait peur. Le mec, c'était difforme. Mais il y a des vraies photos de John Merrick. Oui, des vraies photos de John Merrick. Avec sa mèche. Alors, donc, la maladie dont souffrait Merrick n'a pu être diagnostiquée de son vivant. Des études de son squelette laissaient penser qu'il était atteint de neurofibromatose, une maladie. Donc des peaux et des os et de la peau. Et depuis, d'autres chercheurs ont annoncé qu'il souffrait en fait du syndrome Proteus, une maladie encore plus rare, et donc des tests ADN l'ont apparemment prouvé récemment. D'accord. Et enfin, donc, si le film se veut fidèle à la vie du vrai John Merrick, des modifications ont été apportées pour que le récit soit plus efficace. Ainsi, le personnage acquiert la parole après quelques efforts, alors qu'en réalité cela a demandé plusieurs opérations. Donc là, en fait, on le voit, il dit « répète après moi », et en fait, il répète quasi directement, alors qu'il y a eu des opérations de fête quand même. Mm-hmm. D'ailleurs, le nom du véritable Elephant Man, donc, qui a vécu au 19e siècle, est Joseph Merrick, et non John. Lorsque Sir Frederick Treves écrit ses mémoires, on retrouve également sous ce nom d'emprunt, donc John Merrick. Cependant, son manuscrit révèle que le docteur savait que le prénom de Merrick était bel et bien Joseph, puisqu'il y est rayé et remplacé. De plus, le reste de la correspondance de Merrick montre bien qu'il signe sous le prénom de Joseph. Donc voilà tout ce que j'ai pu trouver un petit peu pour... Donc vous l'avez vu quand même, Onissa, tu l'as vu le film. Oui, c'est juste. Voilà. Véro, ça te parle ? Oui. Ouais. La neurofibromatose de von Recklinghauser, ouais, je connais. Oula ! Voilà. C'est ça, ouais. Si, non, c'est ça. Ah, ouais, non, mais d'accord, moi j'aurais pas su le répéter. Hein. Canon, tu l'as vu aussi, j'imagine. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu un remake un peu plus tard, un remake plus moderne, et c'est pour ça que je parlais de masque avec Cher. Et. Ah, c'est Cher. Un masque de Cher. Avec Cher. Ben, oui, absolument. Non. Pas la chanteuse. Et avec l'acteur qui devait à l'origine jouer dans Retour vers le futur et qui avait été évincé. Oui, voilà. D'accord, c'est aussi assez sympa. L'histoire est quasiment presque la même, sauf que là, ça se passe avec des motards, mais en version moderne. Mais moi, ce film m'a vraiment marqué et franchement, les filles sont déchaînées, mais tu dis Cher, la chanteuse. Avec Cher. Ah, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il arrive T'es toujours en période d'essai, toi. Je vais plus venir, je crois, c'est à cause de moi. Bon, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une coupure musicale parce que bonne nouvelle, Fabrizio Zeva donc est venu nous rejoindre. Bah, bonne nouvelle. Peut-être pas pour lui. On va se calmer après cette petite coupure musicale, évidemment, et retrouver donc l'un des artistes qui sera là donc à cette soirée donc le 16 décembre donc au Chin Chin. le 16 et le 17 décembre. Il y a Fabricio qui est à la lumière. Fabricio, tu te calmes. Allez, on se retrouve après ça. Alors, bon, on va se retrouver juste après Gloria Estefan and Miami Sound Machine avec, alors, pour Onissa, Dr. Beat. Yeah. Et ensuite, on revient avec George Michael. Alors là, ce sera plus pour Marjorie avec Faith, parce qu'il faut garder la foi. Voilà. Allez, c'est parti. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency. Deep inside of me

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. Et oui, vous êtes bien sur RQC 95 FM, 95 FM dans l'émission 80 à l'heure. Et donc là, on vient de s'écouter George Michael avec Faith et Gloria Estefan avec Miami Sound Machine et Dr. Beat. Ça fait rire Ronny à chaque fois. Dr. Beat. Je vous dis pas que la semaine prochaine, quand tu auras notre ami Stéphane qui va jouer avec ses beats, oui. Et ouais, ça va faire rire Ronny ça. Il va nous sortir plein. Absolument. Alors, on en a parlé parce qu'effectivement, vous parlez du spectacle qui est organisé donc par l'association. Donc, j'ai oublié le nom. Excusez-moi. Un rêve, une étoile et tout est possible. Un rêve, une étoile, tout est possible. Un artiste qui va faire partie donc de la distribution. Il est avec nous. Vous le connaissez. Il est déjà venu nous voir. Il est déjà venu entonner deux ou trois chansons chez nous. Je me rappelle il y a quelques semaines. Vous le connaissez. C'est Fabrizio Zeva. Hello, bonsoir. Comment ça va bien? Ça va bien. Ouais, ça la va. Pêche. Oh, t'as l'air fatigué, mon ami. Un peu. Ah ouais, tu reviens du boulot là. Ouais, non, j'ai surtout un repas de famille là. C'est un peu arrosé. J'ai dit, j'arrive. Attends, j'arrive, je vais faire une course. Alors, comment ça se fait que tu te retrouves sur ce spectacle-là Parce que je sais que tu veux aussi supporter l'association. Tu peux nous expliquer un peu la rencontre, parce que c'est pas la première fois que tu travailles avec Véro. Bah, écoute, avec Véro, en fait, moi j'ai eu l'occasion de voir Béa plusieurs fois. Ouais. On s'est croisés dans les spectacles. Mais elle est, oui, parce que moi j'ai souvent des, enfin, entre guillemets, des problèmes de santé, donc c'est vrai que je peux pas faire toujours tout ce que je veux. Mais Béa va partout. Donc, pour moi. Et donc, c'est comme ça qu'elle a rencontré Fabrizio. Et ils ont sympathisé. Et puis, suite à ça, ben, voilà, comme on avait on a trouvé que de toute façon c'est un garçon qui chante super bien. Quand il parle, enfin quand on voit des interviews de lui, quand on voit même quand il parle, voilà, c'est quelqu'un qui est humble, qui est, voilà, c'est pas le garçon qui a la grosse tête. Qui a par contre, il est énervant, c'est un beau gosse, c'est sûr. Oui, ça, il est beau, mais ça, c'est pas de sa faute. Hein. Bah, si, un peu quand même. Et puis, faut pas être jaloux comme un ça. Rien, c'est bien. Et donc voilà, donc on lui a demandé gentiment s'il voulait participer. Et il a même pas réfléchi 5 minutes, je crois, pour nous dire oui, quoi. Il a dit, si je suis dispo, il n'y a pas de souci, je serai là. Donc, chapeau et respect, quoi. Voilà. Ah bah, complètement, complètement. Ah bah ouais. Alors, Fabrizio, en plus, il a une super actualité. Il revient donc d'une tournée, là, quand même, qui n'est pas des moindres, puisque c'est une tournée hommage. Il y a quelques dates depuis notre dernière interview. Là. Ah, en plus, il y a donc, quelques dates, ouais. Et ouais, alors là, il faut que tu nous expliques, puisque se retrouver quand même un hommage à Georges Brassens et travailler pour Nelson Montfort, faut que tu nous expliques un peu déjà la rencontre. Écoute, comment tu t'es retrouvé là. C'est grandiose. C'est un spectacle déjà qui. Je t'en avais déjà parlé, hein. C'est ça sort de l'ordinaire, c'est les chansons de Brassens revisitées. Ouais. Donc ça, je précise, parce que les gens disent, tu vas chanter du Brassens, ça correspond pas à ta voix, mais si, totalement, puisqu'on réadapte les chansons. Ouais. Et que c'est un succès, voilà. Alors tu les as joués sur Paris, tu les as joués un peu partout, pas voilà. Que sur Paris d'ailleurs. Non, non, on a fait d'abord le Cap d'Agde, puis on est descendu sur Paris. Ouais. Et vous êtes remonté sur Paris. Oui, voilà. Oui, mais je dis descendre, ça me paraît plus proche, et donc évidemment pour moi c'est... Et puis au Cap d'Agde, c'est pratique, pas besoin de costume. C'est ça. Les gens sont très accueillants. T'as été faire un tour sur la plage à un moment, j'espère quand même. Même pas, j'ai même pas eu l'occasion le temps, ouais. De visiter, rien du tout. Et après, on a fait le. C'était où? En France, je sais plus. On a fait encore une date il y a pas longtemps là. Dernièrement, c'était. Écoute, c'est un succès qui. Vraiment, le spectacle a vraiment beaucoup de succès. Et donc, il y aura d'autres dates de prévues? Ah oui. Ah ouais. Alors c'est pour quand? Tout se met en place. On rencontre des grands producteurs, des tourneurs, des donc tout ça se négocie et c'est prévu en tout cas pour bientôt. Donc quand dans la région là? Parce que là, on aimerait bien quand même. J'en ai parlé. Oui, et, ouais. Écoute, normalement, on devrait venir sur l'île. Ouais. Il y a quelque chose qui se prépare par là. Et puis, j'espère que je pourrai venir vous l'annoncer. On espère bien. Et on espère aussi pouvoir venir. Cas, je m'éclate. Ça, c'est une chose. Ouais. Je voyage, je rencontre plein de bon monde. Et c'est une expérience nickel. Et Nelson Montfort, il est comment alors? Il est super sympa. C'est quelqu'un de très cultivé, très sympa. Vraiment, très sportif. Non, mais je pense pas que c'est un sportif lui-même. Non, pas à l'origine. J'ai pas l'impression. En D'accord. tout cas, ne le prends pas mal. Mais moi, je connaissais pas bien Nelson Monfort. Ah, mais pourtant, c'était quand même un grand commentateur de sport. Oui, hein, mais toujours. Bien, oui, mon petit Harry. C'est vrai. Si tu t'intéresses au sport, oui. Ouais. Moi, non, pas du tout, moi. Je suis mais pas un grand sportif, donc. Mais il paraît qu'il pousse sa chansonnette aussi. Et alors, il chante une chanson dans le spectacle. Ah, il chante quoi, alors? Le vent. Le vent. Ah, je connais pas du tout le Brassens. Il faut écouter. Il faut écouter. C'est de la cacophonie. C'est ça. C'est une très belle chanson. Et toi, Fabrizio, tu as interprété quelle chanson alors? Alors, moi, j'interprète Les Amoureux des Vents Publics. Ah, bien. Ouais, j'interprète Il n'y a pas d'amour heureux, qui pour moi est une des plus belles chansons de Brassens. Ouais. Et puis je chante aussi Papa Maman. C'est une chanson c'est une de ses premières chansons qu'il a chanté avec Patachou. Ah oui, ouais. À l'époque. Et là, je la chante en italien et français, donc c'est très très beau. Et dernièrement, on m'a demandé d'apprendre aussi Les Passantes. Une très belle chanson. Ah, c'est beau ça. Bien. Et alors, est-ce qu'il va y avoir un CD, un enregistrement qui va être fait, un live, DVD? C'est filmé. Il y a à chaque fois des gens qui viennent filmer le spectacle. Il y a, je sais pas, peut-être que. Tu sais, après, c'est en fonction de savoir si le spectacle fonctionne, si ça marche. Donc, automatiquement, il y a un CD qui sort, il y a une vidéo, il y a de la pub qui se fait encore plus. Et voilà, mais si ça, c'est l'avenir. Ça a quand même eu une belle notoriété, on en a parlé à la télévision. C'est surtout grâce à Nelson Monfort, je crois que ah c'est bah surtout oui, lui je pense mis, que, oui, oui. qu'on a mis en avant. Ouais, hein, ouais absolument. Mais, mais bon, oui. Alors, justement, il faut que tu nous expliques tu sais, quand t'es chez toi et que tu vois sur France 2, en tout cas, Drucker qui présente cette affiche avec ton nom dessus. Ah oui, ah carrément. Mais justement, il faut quand même que tu nous racontes, et après on refermera la parenthèse, mais ta rencontre avec Nelson Monfort, comment tu te retrouves sur un hommage à Georges Brassens? Enfin, la rencontre, elle s'est faite comment? Au départ, lui est juste. Il commente le spectacle, en fait. Il vient raconter. C'est un fan de Brassens, donc, et vu sa culture, il connaît tout de Brassens. Donc, il vient entre chaque chanson et il raconte l'histoire. Donc, je pense qu'ils l'ont appelé parce qu'il connaît très bien les producteurs de ce spectacle, tout simplement. Ah, donc c'est lui qui est venu, c'est la pièce rapportée. C'est-à-dire que toi, tu faisais déjà partie du. Moi, je faisais partie il y a 5 ans d'une première tournée qui s'est faite. Ah, d'accord. Ok. Voilà, là, c'est revu, c'est réétudié, ils ont rechangé certaines choses. Et c'est pour ça que dans le public, à un moment, ils ont dit mais c'est qui le mec frisé à côté de Fabrizio Zeva? C'est ça. Ils ont fait pareil à Rome avec le mec blanc à côté de Fabrizio. C'est qui le mec blanc à côté de Fabrizio là au Vatican? Ah bah, du pape. En tout cas non, pour mon pote, moi je suis super content parce que c'est vrai que c'est pas qu'il progresse, il a déjà fait très très belles scènes et tout ça. Il était récemment aussi au Table de Bruegel où il s'est produit aussi. Pour toi c'est un petit truc, excuse-moi monsieur le ministre, mais on n'a même pas pu réserver tellement non, c'était blindé. Complet, on était déçus. C'est vraiment du succès. Ah, on était déçus parce qu'on avait vraiment voulu venir et puis t'es toujours blindé, donc on n'a pas pu. Donc non mais c'est peut-être parce qu'on y mange bien, c'est pour ça. Oui, je sais. Je l'ai testé justement il y a une quinzaine de jours et c'est vrai qu'on y mange très bien. C'est vrai que c'était étonnant. Hein. 3 jours, il n'y avait plus de place. Donc là, c'est vrai qu'on est resté. Même moi, j'étais très, très surpris. Et c'est bien. C'est sympa. On la gloire. D'ailleurs, on en refait une le 18 décembre. Oui, ceux qui veulent encore réserver, il reste encore un peu de place. D'accord. Donc c'est le surlendemain donc justement du spectacle à Antoine. Alors. Ouais. Ah mais dis donc, ça va être un sacré week-end. C'est l'actualité. Ouais, ça va être un sacré week-end. Ouais. Eh bien moi, ce que je te propose, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale avant de retrouver donc toute l'association et le spectacle, en reparler, retrouver Fabrizio. Je sais pas, Sherlock, ce que tu nous as concocté. Avec Nick Kamen et Each Time You Break My Heart et Simply Red avec It's Only Love. Eh ben vas-y. Et Madonna. Madonna. Pour après alors. Madonna elle chante. Can't you give your promise to me? Is love so blind that you cannot? Salut, c'est partenaire. Salut, c'est particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité. D'ailleurs, je crois que partenaire particulier, vous allez les retrouver sur la tournée Top 50 hein, qui revient. Oui. Évidemment, donc qui reviendra dans la région d'ici quelques mois. Donc vous reverrez un peu tous les artistes des années 80. Alors avant de revenir sur l'association, donc Un rêve, une étoile et tout est possible, et le spectacle du 16 et du 17 décembre, bah, je vais revenir un peu sur ce que j'ai vécu forcément samedi. Ah oui, exactement. Mais ouais, parce que voilà, on avait eu l'occasion de les recevoir il y a 3 semaines en fait, hein, ça a été très vite. On avait reçu donc toutes les candidates à l'élection Miss Waterloo. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de présenter la cérémonie avec mon ami Denis. Denis, hein, qui est le vice-président donc du comité de Miss Waterloo. Et donc, comme Onissa l'avait prédit, ouais, évidemment, donc la Miss de cette année 2017, c'est Anaïs. Oui, mais je voilà. l'avais dit. Anaïs. Elle a quelque chose, cette fille. Alors, c'était une véritable surprise. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Anaïs. Si, bien sûr. C'était la dernière. Je pense que c'était même la dernière candidate. La dernière candidate. Dernière candidate donc, qui est passée. Dernière candidate. J'adore. Alors, pour la petite anecdote, effectivement, donc, Anaïs a été une véritable surprise parce qu'en fait, elle a fait un premier passage en sous-vêtements. C'est une jolie femme. Ah oui, effectivement. Oui, je me souviens. Non, mais un joli, elle a fait un passage en sous-vêtements et bon, très jolie fille, comme beaucoup d'entre elles, hein, évidemment, parce qu'après c'est très subjectif, hein, la beauté d'un homme à un autre ou d'une femme à une autre. Bon, bah voilà, chacun a ses critères. Moi personnellement, quand elle est passée, je me suis dit, ça m'a un peu choqué, elle avait ses lunettes. Voilà, sur scène, vous savez ce que c'est, pour vous qui faites la scène, quand vous avez des projecteurs qui se braquent sur les lunettes, c'est pas très joli, quoi, c'est pas très esthétique. Et puis, moi, en l'ayant vu aux premières loges, évidemment, je me dis, physique sympa, mais après, bon. Et puis, à la fin, deuxième passage, en robe de soirée, sans lunettes. Et là, ça change tout. Et effectivement, ça a été la révélation, et je crois que le jury a dit oui, effectivement, alors là... il y a l'élocution, c'était elle tient bien la route. Elle, donc effectivement, donc Anaïs a obtenu donc la couronne. Donc elle est devenue maintenant donc Miss Waterloo donc 2017. La première dauphine, c'est Ameline, la boxeuse. Oui. Voilà. Oui. Vous voyez qui donc la boxeuse. Oui, absolument. Donc il y a eu aussi le prix de la persévérance puisqu'effectivement ça faisait la troisième fois qu'elle se présentait. Voilà. Donc oui. Donc voilà. Mais elle le méritait. Je crois qu'Alexia l'a eu aussi hein, ce prix-là. Absolument. Après le sacerdoce. Et la deuxième dauphine donc c'est Laureline. Laureline. Voilà, oui. Laureline aussi très très jolie fille également qui méritait aussi d'être dans le trio de tête. Oui, participer pour sa copine aussi. Voilà, qui participait pour sa copine et qui était aussi bien surprise. Alors bon, il y a quelques candidates qui ont un peu perdu leurs moyens, c'est dommage, il y en a une qui a tremblé mais alors vibrato à mort donc et on a eu un peu de difficulté avec elle, il y en a une autre qui a pleuré Mais la scène c'est spécial. T'es à côté hein. Ah non mais moi je me reculais à chaque fois quoi. Si je repose la première fois sur scène et que toi t'es à côté, je me mets à je reposais des questions mais je me retirais un peu. Mais il y en a quelques-unes qui effectivement ont été un peu submergées par l'émotion, n'ont pas su se contrôler et puis bon parfois pour le jury c'est un peu délicat. Alors moi j'ai peut-être porté la poisse à l'une d'entre elles. Alors pourquoi, raconte un peu. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de la jeune Cassandra. Oui. Elle disait que son papa tenait un salon à la noix. Oui. Ah, et donc je suis allé dans ce salon pour me faire coiffer. Ah. Et donc je me suis dit c'est peut-être par rapport à moi en fait qu'elle a été élue. Bah ouais. T'as fait un selfie avec? Non, pas du tout. Ouf. Bah non. Parce que sinon... non. Mais n'empêche que t'es bien coiffé quand même. Hein. Merci. Ouais. Ça, je te dis. Comme quoi, elle aurait pu être. C'est pas un coiffeur à la noix. Oui, voilà. Donc voilà, voilà pour les résultats. Tu t'es bien éclaté ? Ouais, franchement, j'ai passé un bon moment. Alors pour être honnête, moi j'ai adoré ça. Après, c'est un peu long. Alors je pense que c'est parce que le comité veut bien faire, donc on y rajoute un peu du spectacle. Pour la petite information, il y a Jean-Mi et Charlie qui se sont produits. Oui. Jean-Mi le sait, effectivement, ça a été un peu difficile pour lui, un peu compliqué parce que c'est un public pour les Miss. C'est un artiste. C'est ça. Voilà. Donc quand on fait du sketch, quand on fait de la chanson, quand on est chansonnier, on fait de la ventriloquie. Quand on a un public de Miss, c'est toujours un peu délicat. Donc effectivement, captiver l'attention, ça a été un peu compliqué pour lui. Ouais, on le connaît bien, il est bon. Est très bon, mais à cet endroit-là, à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour lui. Il le sait, hein, de toute façon. Donc c'est une expérience qu'il ne va pas renouveler, je pense. Je pense qu'il a besoin d'être dans des salles où, effectivement, les gens sont là pour venir voir un spectacle. Et là, c'est pas le cas. On aura le plaisir de l'accueillir, je pense. Oui, on absolument. En a parlé. C'est vraiment quelqu'un d'attachant, qui est talentueux. Voir, qui nous fera part de ses impressions par rapport à Miss Waterloo, bien évidemment. Ça l'empêche pas de tourner, hein, il tourne un peu partout, on le voit partout, Jean-Mi. Oui, puis il est pas négatif, hein. Moi j'ai eu un petit mot, il me disait mais il dit c'est vrai que le format, je dis t'es dans le festif populaire machin, où c'est de l'année 80, je crois qu'on t'en parlera après, les chanteurs et ça, c'est différent, c'est bien vrai sûr. Que la ventriloquie, tout ça, les gens ont adhéré. Ils ont envie de faire la fête. Et la preuve en est, c'est qu'ensuite il y a eu un deuxième groupe qui est venu se produire deux fois, qui élève ta voix, donc une association donc de Waterloo. Là, effectivement, ils étaient dans le créneau puisque c'était des chansons des années 80. Ouais, donc, ils ont chantonné de la chanson française, de la variété française, du partenaire particulier, Émilie et Image, j'en passais des meilleurs. Et donc, forcément, les gens connaissent les paroles. Et puis, ça, ils ont emmené tout le monde dans le mouvement. Et là, ça a changé, effectivement. Ouais. Ça a totalement changé. Et donc, voilà. Donc, ça a été un très beau spectacle. Je trouve que, un peu long, malgré tout. Alors, il paraît que le jury a besoin d'autant de temps pour faire son choix et délibérer. Donc, voilà. Toutes les Miss, hein, que ça soit de Miss Moucron, long. Enfin, c'est toujours très long. Aussi. Bah, c'est très long parce que voilà, on essaye de faire un spectacle et nous, on a plus l'habitude de la scène efficace avec voilà, il y a la musique, il y a automatiquement le dialogue qui suit. Là, tu parles, les gens veulent présenter les sponsors, les gens vont expliquer d'où viennent. Oui, il y a toute la machine. Tout ça, c'est très long. Tout ça, c'est très long. Tout ça, absolument, c'est très long. Absolument. Bah, c'est bien. Moi, c'est une animation sur Waterloo. Bah, c'est bien. Absolument. Et peut-être que Waterloo, c'est à l'avenir, moi, j'aimerais bien voir un petit. C'est très vivant, Waterloo. J'aimerais bien voir un petit Canon ou un petit Fabrizio venir se produire pendant une partie, un petit set sur les Miss Waterloo. Ça pourrait le faire. Pardon, en maillot de bain. Fabrizio peut-être, mais Canon un peu moins. Ah non, mais moi, j'ai une bonne petite anecdote à vous raconter. Ah, vas-y. Il y a maintenant, je crois, on va dire 20 ans. J'ai participé au Miss Province de Liège. Ouais. Et c'est Sandrine Corman qui a gagné cette année-là et qui est devenue Miss Belgique. Ah oui. Ah. Mais après, c'était très somptueux parce qu'au fait, j'intervenais dans le spectacle, mais je chantais Caruso pendant les robes de mariée. Tu sais, c'était grandiose. Sympa. Ah ouais. C'est un bon cas. Et là, t'es dans le créneau. Là, t'es vraiment. Oui, dans c'est ça. Miss. Bien sûr. Maintenant, je vois pas trop les années 80 ce que ça. Non. Alors, c'est parce que si tu veux, c'est pendant les délibérations. Donc le jury se retire, il se passe plus rien et pour combler ça, donc il y a un set d'une demi-heure où on vient mettre un peu l'ambiance dans le public pendant que le jury délibère. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne en France, mais je sais pas trop. Toi aussi, je crois que tu as déjà chanté. Je me suis retrouvé comme toi, c'est voilà, You Raise Me Up à Miss Moucron 2016 et pendant les mariés, c'est vrai que ça le fait sur le public. Là, c'est vraiment pas de l'ego personnel, c'est le plaisir de ce qu'on, les gens sont touchés. Oui, voilà. Il y a les mamans avec les mariés, c'est le plus beau moment et puis si tu as une voix à ce moment-là, tu es en forme et que tu envoies, c'est vrai que ça le fait pour tout le monde. Mais donc Miss Waterloo, il nous a donné rendez-vous. On va préparer ça. Mais je vais en toucher un mot aux organisateurs. Et effectivement, c'est pas impossible du tout. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. En parlant de spectacle sympa, évidemment, on va revenir sur le spectacle qui est organisé donc par Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible. Donc le 16 et le 17 décembre. Vends-nous un peu le projet. Vends-nous du rêve, Véro. Alors si tu dois nous en parler. Alors le 16 décembre, donc le vendredi, il y a Alexis Confortorio avec Martine Viala qui vont faire le spectacle donc spécial Noël. Ouais. C'est-à-dire avec des chants de Noël, tout un spectacle, voilà quoi. Et le lendemain, c'est Fabrizio, sera là, Nolan et Mélanie Bonfito. Et Alexis qui sera là encore aussi, donc lui il est là pour les deux jours. C'est bien quand même de Toulouse, donc tant qu'à faire, il faut rentrer. Non, je rigole, mais c'est vrai que il fera du Nougaro. Alors il vient, non, ça c'est moi, c'est Garou. Oh, Toulouse. Du Jean-Pierre Madère. Ah ouais, non, mais sérieusement, les artistes, c'est pas parce que Fabrizio est à côté de moi, mais les artistes qui sont là, aussi bien Nolan que vous connaissez, bien sûr, Mélanie peut-être pas, bon, Fabrizio vous le connaissez, Alexis non plus, sont des gens qui, comme je l'ai dit tout le temps, ils viennent avec le cœur et pas avec le portefeuille. Mmh. Et quand il faut quelque chose, ils s'engagent à le faire bien et ils s'engagent à le faire jusqu'au bout. Et donc rien que pour ça, moi je les remercie. Bon, là j'ai Fabrizio près de moi, mais les autres pareil. Et quand tu penses quand même que Fabrizio, c'est vrai qu'il est dans notre coin, donc voilà. Mais il y a plein de choses, il y a plein de belles choses en préparation. Et il donne de son temps pour une association. T'as des gens qui viennent, je dis là de Toulouse, Nolan, il vient de Limoges. Surtout des gens qui viennent avec le cœur et ben ça, pour nous, ça nous touche par rapport à tout ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Ben c'est vraiment, ça fait plaisir et quelque part, ben on se dit, ben il y a quand même des gens bien encore sur cette terre et ça fait plaisir. Mais heureusement. Non, mais il le prend pas pour toi, Fabrizio. si. Alors est-ce que, alors tout à l'heure on parlait du single, donc Un Rêve, Une Étoile, est-ce que Fabrizio fera partie du de la distribution? Oui. Ah, ça c'est bien, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, effectivement, la maquette, en tout cas. Texte magnifique. Ouais, texte magnifique. Et qu'on... C'est une belle chanson, aussi, et puis c'est un très bon compositeur. Je l'ai connu sur Facebook. Là. Oui, Salucci. C'est Eric Salucci. Il compose super bien. Et c'est quelqu'un de super humble. Tu parles avec lui. Moi, je le connaissais absolument pas. En plus, je m'y connais vraiment, mais absolument pas tout ce qui est musical, comme Dom et Fabrizio sont dans le métier. Donc. Ils vont parler avec lui, Mais il a pris le temps de tout m'expliquer. Tu vois, il faudrait qu'on ait autant de femmes, autant d'hommes. Il faudrait que je vais découper ça comme ça, faire ça comme ça. Enfin, il m'a tout expliqué comme... Allez, à moi qui ne connaissais rien. Il aurait pu me dire, écoute, moi j'ai fait la chanson, la musique, c'est bien. Mais débrouille-toi, quoi. Le reste, c'est pas, enfin, c'est pas ton problème. Il est très abordable. Non, c'est quelqu'un de. Voilà, quoi. Et il fait pas semblant, il fait pas semblant d'être abordable, histoire de, tu sais, de faire la vraie fausse star. C'est qu'il est vraiment abordable, il est très talentueux. Voilà, c'est vraiment quelqu'un. Et il est là. Bon, j'ai dit, c'est comme tous les chanteurs qui sont là, parce qu'après, il y a des gens qui disent oui, mais est-ce qu'on pourra voir les chanteurs quand. Allez, lors du spectacle. Et je dis, les chanteurs qui sont là, c'est pas des chanteurs qui ont un melon, quoi. C'est des chanteurs. Ils chantent, ils ont du talent, mais ils ont pas de melon. Ils chantent bien, ils vont voir les gens, ils vont vers les gens, ils vont vers leur public. Et en fait, comme Fabrizio le dit, comme Nolan le dit, comme les autres le disent, sans le public, mais ils sont rien. Parce que t'as beau avoir une super belle voix, être le meilleur des chanteurs, si t'as pas de public. C'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que souvent ils oublient, hein. Voilà. Non, ou alors parfois tu gagnes ton public au départ parce que tu fais un tube et tout, et c'est que tu négliges ton public. Il y en a plein qui se sont plantés comme ça, de se dire bah c'est vrai, c'est aussi un business, c'est aussi un travail. Tu peux pas embrasser, je sais pas, quand tu fais un Zénith, les gens, ou Johnny Hallyday par exemple, un million de personnes. Mais il embrasse tous les gens du Zénith. Je pense qu'il y a une réalité derrière. Il y a l'artiste, il doit en avoir ras-le-bol aussi, évidemment. Elvis a essayé dans un de ses concerts et embrasser toutes les filles au premier rang, mais bon, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Après, comme je dis toujours, c'est vrai que bon. Les artistes comme nous, ils ont des moments où ils ne sont pas toujours forcément dispo parce qu'ils ne sont pas forcément bien dans leur vie, parce qu'il y a des choses qui leur arrivent. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, après, il faut aussi comprendre que, on va faire des autographes, on va faire quelques photos, mais tu n'as pas forcément envie de faire trois plombes de photos parce que ce jour-là, ça ne va pas. Mais peut-être que le prochain concert, ça sera autre chose. Mm-hmm. Mais le principal, c'est d'être humble à la base. Et les chanteurs qu'on a là sont humbles à la base. Donc, c'est ça qui compte. Après. Bon, ils vont savoir. Voilà, je dis comme Fabrizio, qui est à côté de moi. Nolan, c'est un garçon, mais est adorable. Et c'est quelqu'un de. Enfin, limite, il va avoir un enfant qui va être là en train de chanter une de ses chansons. Il va avoir la larme à l'œil, quoi. Il s'est pas caché. Alors, malgré qu'on se dit, c'est un mec, il faut qu'il. Non, je suis sûr, Fabrizio, pareil, quoi. Si Dom, là, il fait son grand dur chaque fois, mais. Ils ont chanté à deux, ils ont pleuré, je me rappelle. You raise me up. Justement, c'était comment le nom du petit garçon qui était avec Nolan la dernière fois? Devon. Alors, Devon sera là parce que Nolan, de toute façon, lui, c'est Nolan. Donc, de toute façon, rien d'autre ne compte que Nolan. Donc, de toute façon, sa vie, c'est Nolan. Impressionnant. Ça tourne autour de Nolan. Maintenant, il y a de la concurrence, c'est quand même Fabrizio. Donc, on verra. Ils vont se battre les deux. Mais en fait, c'est venu tout bête parce que il a rencontré une fois Nolan et pourquoi même Nolan ne comprend pas. Il dit pourquoi ce petit garçon s'attache comme ça à moi. Limite, il a été opéré il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a des gros problèmes de santé. Bien sûr. Et il doit être régulièrement opéré. Il a été opéré il n'y a pas longtemps et il voulait pas manger, il voulait pas boire. Rien du tout. Bon, j'ai dit, écoute, moi, je vais essayer d'avoir Nolan en cam. Parce que les infirmières avaient dit, il faudra mettre des perfs, il faut qu'il se nourrisse. Et déjà, il n'est pas épais, le petit bonhomme. Et j'ai eu Nolan en cam, il a pris la cam. Et il a dit, écoute, tu bois, tu manges, tu fais ça pour moi. Et il l'a fait. Il a bu, il a mangé. Ah ouais, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il était à l'émission, il y a une vidéo où Nolan se met à chanter et le petit Devon est derrière. Et à un moment, je mets la GoPro sur lui. Il est focalisé. Nolan. Il peut se passer n'importe quoi. Il n'y a que Nolan. Il était branché les yeux dessus. C'était assez impressionnant. D'ailleurs, l'anecdote, pour en revenir à l'anecdote, pour faire rire un petit peu quand même, ça c'est marrant dans l'histoire, dans toute l'histoire, c'est qu'au concert d'Hélène. Il voulait même pas attendre Hélène. Il voulait voir que Nolan. C'est bien ça. Mais je le comprends. Donc, pour les gens, pour nous, ça fait un peu. Non, mais je veux voir Nolan. Oui, mais Nolan, il va venir après. Oui, mais je veux voir Nolan. Oui, mais Nolan, il va chanter, il va te voir après, petit loulou. Ah, oui. C'est qui la meuf, là, à côté de Nolan? Ouais, limite, c'est ça. C'est ça. Lui, c'est ça. Et pourquoi avec Nolan, je sais pas. Et il se voit. Ça s'explique pas, hein, oui. C'est ça. Ça s'explique pas. Mais en tout cas, Devon, on le salue au passage, s'il nous écoute ou pas. Mais en tout cas, on le salue au passage. On va se faire une petite coupure musicale. Oui. Alors justement, retrouver les sorties Cinoche, hein, évidemment. Oui, exact. Je vais faire une petite coupure musicale, donc avec deux personnes qui vont chanter justement, les 16 et 17 décembre. Ah bien. Donc avec Mélanie Bonfito. Bonfito, je sais pas. Bonfito. Alors par contre, j'ai pas le titre qu'elle chante. Lauréate la Voix d'Or 2014. Dites-moi pourquoi je l'aime. D'accord. Et ensuite, c'est par contre Alexis Confortorio qui chante Amoureux de la vie. Eh ben allons-y. Et ensuite, on mettra aussi une chanson de Fabrizio, bah, forcément. Ah bah oui, quand même. Oh, et de Nolan, oui. Forcément. Ouais. Encore. Allez, c'est parti. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Thank you. Et oui, donc effectivement, vous êtes toujours dans l'émission 80 l'heure sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs. Sur RQC évidemment. Oui. Et là, on vient d'entendre donc Alexis Comfortorio. C'est alors, ça. Avec une chanson donc qui s'intitule Amoureux de la vie. Alors franchement, il y a Véro qui m'a fait écouter comme ça là dans les coulisses de la radio. Donc un titre qu'il a repris, il était une fois dans l'Ouest. D'Ennio Morricone avec une voix, alors qu'il n'a rien à voir avec ce titre là, une voix au perché, c'est magnifique, vraiment. Allez taper sur internet Alexis Comfortorio et vous tapez Il était une fois dans l'Ouest, et là vous allez découvrir aussi un autre style de voix. Je sais pas si tu connaissais Fabrizio. Moi je l'ai découvert sur Facebook. Oui. D'accord, mais il y a quand même un sacré grain de voix. Hein. Bah, tu sais, pour chanter du Polnareff. Bah oui, justement. Je pense qu'il mais c'est parce que là, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je trouve qu'on est loin de l'univers de Polnareff ou des voix au perché. C'est variété, quoi. C'est ce qui fait. C'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est plutôt une chanson variété. Mais à propos, justement, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, Fabrizio, t'as quelques compos, toi, alors ? T'en as fait quelques-unes de plus ou Ça y est, ouais, ça commence. Ah, et donc ça veut dire que le 17 décembre, on aura peut-être l'occasion d'écouter quelques compos ? Non, parce qu'elles sont pas encore masterisées, elles sont pas encore terminées, elles sont encore... On travaille, là, on travaille. Ah, d'accord. Donc, que des reprises pour l'instant ? Bah, écoute, je crois que je vais peut-être me faire plaisir aussi et chanter peut-être une ou deux de mes compos, mais... Ouais. Je vais voir. Moi, c'est toujours au moment présent. Je vois après si. Au feeling, quoi. Ouais. Au feeling, ça marche. Ça fera partie des surprises. Ouais. Non, mais je peux le dire, c'est vrai que qu'on préparait un set tous les deux. Lui, c'est vraiment au dernier moment. Il connaît bien sûr ses chansons et tout, mais c'est au dernier moment. Il fait au feeling. Et à un moment, son set, 20 minutes avant, on était en train d'en parler. Il changeait déjà des chansons. Il me dit non, je vais pas faire ça là. Je dis toi, tu prépares rien. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai préparé pour être sûr. Le truc, c'est qu'on sait pas qui on va avoir devant nous. Ah oui, donc tu t'adaptes par rapport au public. Souvent, je préfère. Je préfère parce que si je fais un répertoire plus rock et que je me retrouve avec des gens un peu plus âgés, ça va pas. Ah, quoique parfois. Quoi que tu serais étonné parfois. Devant Onissa, on aimerait bien le rock quand même. Onissa, elle est pas âgée. I am sorry. Non. I am really. Voilà. Ce doigt n'est pas perdu. En flag. A bien fait, mais jamais perdu. Alors, Véro, Fabrizio, je sais pas si vous allez souvent au Cinoche. Ouais. Enfin, souvent. Alors peut-être que Sherlock va vous donner envie d'aller au cinéma la semaine prochaine, enfin en tout cas à partir de la semaine prochaine, puisqu'il va nous parler des sorties de demain. Effectivement, je vais vous partir. Allez, c'est parti. Je vais. Voilà. Je vais vous parler des sorties cinéma donc qui sortent demain pour la Belgique et pour la France. Je m'appelle Flipkat. Ah non. Oh, ça c'est toi qui l'as dit. Arrête. C'est ça, depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais l'enregistrer quand il dit je m'appelle Flipkat? Vas-y, refais-le. Je m'appelle Flipkat. Ah non, tu le fais trop bien là. Ah merci. Mais j'ai pas la mèche. Enfin, la banane, autant pour moi. Oui. Donc, effectivement, je vais vous parler des sorties ciné pour demain, donc 30 novembre. Et je vais commencer donc avec les sorties ciné belgiques, avec le film Oppression. C'est avec Naomi Watts, Jacob Tremblay et Oliver Platt. C'est un film de Faren Blackbird. Ça sort également en France demain. Et donc, c'est depuis le décès de son époux, Marie, qui est pédopsychiatre. Je vais pas y arriver ce soir, c'est dingue. Mary, qui est pédopsychiatre, elle vit seule avec son beau-fils dans un chalet isolé de la Nouvelle-Angleterre. Et donc, à l'approche d'une violente tempête de neige, Tom, l'un de ses jeunes patients, est porté disparu. Mary est tout à coup sujette à des hallucinations et est prise de paranoïa, et bien décidée à retrouver le jeune garçon avant qu'il ne disparaisse à jamais. T'as réussi à dire sujette à des hallucinations. C'est ça. C'est bien important, t'allais la verser. Hein. Tu devrais la femme. Donc, oui, effectivement, donc c'est un peu thriller, c'est un peu oppressant. C'est le titre, c'est là oppression. Où on le voit dans la bande-annonce où elle est dans la baignoire. Oui, c'est d'accord. Ça. D'accord, j'aime bien. Alors, ensuite, oui. Sort demain, en France et en Belgique également, le film Vaiana. C'est un film d'animation. Vaiana. Alors, il faut savoir que Vaiana, c'est le nom pour l'Europe. Ouais. Normalement aux États-Unis elle s'appelle Moana. D'accord. Et alors, pour l'Europe ils ont choisi Vaiana et pour l'Italie spécialement. Always. Ils ont choisi Oceania. Oh. Et pourquoi? Parce que le nom de Moana était déjà pris par une actrice de films pornographiques des années 90. Ah, donc bon. Ils n'ont pas voulu, faire d'amalgame avec ça. D'accord. Donc elle s'appelle Oceania. Alors pourquoi ils n'ont pas pris Vaiana, par contre, je ne sais pas. D'accord. Donc c'est avec les voix de Cerise Clixt, Anthony Cavana et Maréva Galanter. Cerise Clixt. C'est inscrit sur le gâteau, ça. Bonjour, je m'appelle Clixt. Ça restera dans les annales, ça. Oui. Ah ouais. Avec les voix de Anthony Cavana et de Maréva Galanter, donc la femme d'Arthur. Ah oui, oui, oui, oui, d'accord. Et c'est ancienne Miss, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, ouais, ouais. Ancienne Miss France, oui. Qui chante très mal, d'ailleurs. Oui, j'ai l'occasion d'aller la voir en concert, j'ai passé un très mauvais moment. Franchement, très mauvais moment. C'est Harry de l'émission 80 à l'heure. Maréva, si tu m'entends. Donc, c'est un film de John Musker et ça sort également en France demain. Donc, depuis les îles océaniques du Pacifique Sud, la jeune Vaiana décide de rechercher une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette traversée, elle va rencontrer Maui, un demi-dieu, et ensemble, ils vont accomplir un voyage épique, riche d'action, de rencontres et d'épreuves. En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée, elle-même. Oh, c'est beau. Oh, là là. Oh, c'est beau. Ouais, c'est du Disney Pixar. Hein. Ouais, ouais. Il y a Saucisse Party hein, qui sort aussi demain. Oui, alors justement, je vais en parler. Et je l'ai vu. Ah, tu l'as vu. Je l'ai vu. Oh là là. C'est pas piqué des verres. Donc, déconseillé aux enfants. Ah ouais, carrément. C'est un et film alors, d'animation. Mais t'as vu la version canadienne. Oui. Alors, je sais pas si la version française sera pas aussi hard quand même. Je sais pas, mais voilà quoi. J'ai vu la version canadienne. Oh là là. Purée. C'est terrible. Terrible. Oh là là, c'est pas piqué des hannetons. Ouais, absolument. Donc, j'adore quand tu parles, c'est pas piqué des hannetons. Ouais, ouais, donc dedans. Flip 4 sort de ce corps. Dans l'une des voix françaises, il y aura Cyril Hanouna. Sinon, oui. Dans les voix originales, il y a Seth Rogen donc, qui jouait dans 21 Jump Street et 22 Jump Street. Ah oui. C'est le. Oui, oui. Ah non, autant pour moi, c'est Jonah Hill, lui. Rien à voir. D'accord. Et Kristen Wiig, c'est un film de Conrad Vernon. Ça, c'est sorti en Belgique le 26 octobre. Donc c'est l'histoire d'une petite saucisse qui s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines de son existence. En fait, il faut savoir que pour les aliments dans un grand supermarché, nous humains, nous sommes des dieux et on vient les chercher pour les emmener en gros au paradis. Au-delà. Voilà. C'est ça. On les emmène au-delà. Au-delà de la grande lumière, donc qui est en fait la porte d'entrée du magasin. Ouais. Et Alors on peut le dire quand même, c'est que ça finit en partouze. C'est ça. Ça finit en partouze. Une partouze de saucisses. Ah ouais, non, des pains hot dog, des saucisses. Des pains hot dog, des machins, mais c'est très très. C'est rigolo. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo. C'est très très bien fait, mais alors c'est déconseillé plutôt aux enfants, c'est plus conseillé aux adultes. Quand on voit l'effet que ça a eu sur Harry. Ah ouais, non, mais moi je l'ai vu aussi, je me suis dit. Au CSA, ils se posaient la question de savoir si ça allait être interdit au moins. De 16 ans en France. Ouais. Donc finalement c'est de moins de 12 ans, mais même alors, 12 attention, ans... ouais, avec les dialogues on peut être remanié quoi. Alors le truc c'est que quand on voit la bande annonce, on se doute pas du tout de ce qui va se passer dans ce film. Ouais, ouais. Parce qu'on voit que effectivement les aliments sont pris dans le rayon, ils sont emmenés chez quelqu'un et il y a une pomme de terre qui se fait éplucher et qui crie parce qu'on lui arrache la peau. Arrête, là, tu et donc donc on se dit voilà quoi, ça va être un truc pour qu'ils puissent sauver leur vie. Et en fait non, rien du tout à voir avec tout ça. Fou, ouais. C'est vraiment un truc complètement lubrique. Et en d'ailleurs plus, Charlotte, je voudrais te poser une question, mais il y a un des personnages, j'ai jamais su qui c'était le plus méchant là. C'est quoi? Bonne question. Avec sa pipette là, ouais, pour nettoyer. Enfin, on sait pas ce que c'est. Hein, je sais pas. Non, et apparemment, c'est un produit canadien. Et donc, justement, en France, je me demande comment ils vont. Transposer parce que si ça m'a l'air d'être un truc de lavement. Ils vont peut-être le changer. Quoi. Alors, le dernier. il y a des lavements et tout. Bah, je sais pas, c'est un peu bizarre. Alors, l'un des derniers films de Disney Pixar, ils avaient changé certains personnages pour l'Europe, pour le Japon et tout ça. Ouais. Ils vont peut-être changer ce personnage-là. Ah, mais je serais curieux de voir la version française quand même. Ouais. Et donc, je vais finir avec un film que tu vas sûrement aller voir, je pense. Même canon d'ailleurs. C'est Sully avec Tom Hanks, Aaron Eckhart et Laura Linney. Je vais aller le voir également. Aaron Eckhart. Oui. c'est un film de Clint Eastwood. Et donc, ça sort également en Belgique demain. Donc, ça c'est. Et non pas Clint Eastwood. Ouais, Clint Eastwood non plus. D'accord. Donc, ça se passe le 15 janvier 2009. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein. L'incroyable se produit. Un avion qui vient de subir une terrible avarie réussit à se poser sans encombre sur les eaux glacées du fleuve Hudson au large de Manhattan. Le bilan, les 155 passagers ont la vie sauve. Un exploit hors du commun accompli par le commandant Sully Sullenberger. bientôt relayé par les médias et l'opinion publique. Partout dans le pays, la presse s'empare du miracle sur l'Hudson, et pourtant, alors même que le pilote est salué comme un héros, une enquête est diligentée qui menace sa réputation et sa carrière. Absolument. Donc on va suivre un petit peu tout ça, ce qui s'est passé vraiment derrière ce que nous on a vu à la télé, quoi. C'est marrant, son nom c'est le seul hamburger. Sullenberger, ouais. Je suis le seul hamburger. Je suis désolé. Ah, c'est Sullenberger. Ouais. Sullenberger. Sullenberger. J'ai plus faim. Alors, Fabrizio, voilà. Rassure-moi. Maintenant, on va dire, on va redevenir sérieux. T'irais voir quoi alors? Saucisse partie? Non, aucun. Oh, pourquoi aller voir saucisse partie? Non, aucun. Aucun, il y en a aucun qui branche là. Pas trop, non. Ah, même Sully. Sully. Vraiment, non. Ah, d'accord. Pas. Véro? Moi, le premier. Le premier. Oppression. Moi, oppression. Ouais. Bonissa aussi. Ouais, ça j'adore. Déjà, ça c'est, ouais. Canon, tu irais voir quoi? Moi, je vais en voir deux, c'est Saucisse Partie, pour me marrer. Ouais, et puis ouais. Je suis un inconditionnel. Ouais, Saucisse Partie, à mon avis, tu vas te marrer. Ouais, c'est clair. Tu vas te marrer. Bah, Saucisse Partie, moi, je l'ai vu. Je vais aller voir Sully après-demain. Moi. Alors, par contre, Saucisse Partie, tu n'en as pas parlé, mais il y a quand même. L'un des producteurs, c'est Edward Norton. Ouais. Et ouais. Alors je sais pas ce qu'il fout là, mais donc Edward Norton qui jouait dans American History X. C'est alors ça. J'ai pas trop compris, mais voilà. Qui ah, jouait, ça ouais. Et qui fait une des voix d'ailleurs. C'est parti d'ailleurs. Bah, non, pas du tout, non. Pas du tout, non. C'est un... mais bon, voilà. Et toi, t'irais voir quoi, oui. Saucisse partie. Encore. Tu l'as tellement aimé que tu vas le revoir. Je pense si duo. Je pense si duo. Ah mais ça finit mais dans une. C'est une orgie totale à la fin, mais c'est incroyable quoi. Mais je me dis mais les gamins s'ils vont voir ça, s'ils vont être traumatisés. Ah non mais c'est déconseillé au moins de 12 ans déjà. Déjà. Non mais ce qui est rigolo c'est déconseillé au moins de 12 ans. Interdit. C'est interdit. Ah bon. Dans l'absolu tu dis quand même il y a un moment où on se demande à quoi ça sert les limites. Dans ce moment-là, pas plus de 5 ans. Ceci dit, moi j'ai quand même une question à vous poser. C'est quand c'est interdit moins de 12 ans, est-ce que vous pensez franchement que les gamins ils rentrent pas? Enfin, si, bien sûr. Bah ouais, voilà, enfin dans les cinémas, est-ce que qui va vérifier les cinémas? Et puis maintenant avec internet, moi je vois, enfin je sais pas, il y a des sites même pornographiques, tu dois marquer avez-vous 18 ans? Oui, non, oui, bien sûr. Bah, le gosse a 14 ans, mais oui, c'est bon, il rentre dans le site quoi, donc ouais, c'est vrai. Ah mais il y a que ça à faire, oui. Enfin, je sais pas, j'imagine. Si. Mais tu vas sur des plateformes comme Steam, là c'est des jeux, parce qu'il y a des jeux aussi interdits au moins de 18 ans. Le gamin tape, oui, bah non, j'ai tel âge, donc il rentre. Tu vas sur YouPorn, sur machin, sur tout ce que tu veux, voilà, les sites, tu dis t'as... je suis majeur, je suis adulte et tu rentres. Je connais pas. Tu connais pas YouPorn? Bah c'est bien dommage, mon garçon. Non. Bon, en tout cas, pour les sorties ciné, on dit merci. Tu viens évidemment. Merci, Sherlock. Je vous en prie. Merci, Sherlock. Bon, allez, on se fait une toute petite coupure musicale. Oui. Et on retrouve juste après, évidemment, Fabrice Diouzeva et Véro pour l'association. Donc, un rêve. Une étoile et tout est possible. Voilà, pour nous présenter donc le spectacle du 16 et 17 décembre. Ah, c'est ça aussi. Et ben justement, encore avec deux artistes donc qui seront là, donc Nolan et Fabrizio Zeva. Ah. Donc là, Nolan, c'est avec le titre Baisse pas les bras, et Fabrizio avec Mansory Duke, c'est Vivre ou survivre. Waouh. Allez. Sois libre, tout simplement. La joie dans les yeux, pour y croire, sois content de toi. En changeant le temps, sans trop de retard, respire la chance d'exister. Sans mauvaise pensée, point de vue, des fantaisies idées. Suis ton chemin, sans raccourci, ton destin sans cri. C'est la vie qui veut ça, c'est comme un combat chaque fois. Que tu doutes de toi ou pas, oui c'est pour toi. Lève la tête, baisse pas les bras. C'est la vie qui veut ça, c'est comme un combat chaque fois. Que tu doutes de toi ou pas, oui c'est pour toi. Lève la tête, baisse pas les bras. Retiens bien ça. Tu reçois, qui te donne la foi au présent, quoi de positif, loin du négatif, dès que tu le peux, regarde devant toi, avance pas à pas. autres qui sont à côté de toi. Les journées sans raccord, les erreurs qui dominent font qu'on se doit d'être fort. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas. J'adore. Ah ouais, excellent. Ah ouais, c'est une sacrée version quand même, une reprise de Fabrizio, d'un titre évidemment de Daniel Balavoine, Vivre ou survivre. Et, franchement, c'est. Enfin, je veux dire, c'est quoi l'idée de reprendre du Balavoine et de le faire à ta façon et surtout un peu dance, quoi. Enfin, ouais, dire. L'idée c'était surtout de ne pas faire du copier-coller parce que je voyais pas trop l'intérêt. C'est encore une fois comme le Brassens, je voyais pas l'intérêt de. En tout cas, moi d'y participer, de chanter comme Brassens, c'est pas du tout dans. Mais là c'est vrai qu'on a des tessitures de voix. En tout cas, je peux chanter du Balavoine, mais il fallait pas que ça ressemble. Sinon, c'était trop. Du Balavoine. Voilà, maintenant, ça a été critiqué, je te le cache pas. C'est critiqué aussi. Ah, pour les puristes, peut-être, oui, évidemment. Mais il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas. Hein. Voilà, moi, j'ai écouté la version de. On l'a sorti justement à ce moment-là, la version de Scheim, c'est ça? C'est Scheim qui chantait ça dans le. Oui. Bah, je trouve que ma version est quand même sans prétention. Si, c'est vrai, meilleur. Oui, c'est vrai. Moi, voilà. Mais t'es moins bonne que Scheim. Perso, moi je préfère Scheim. Non, moi je préfère Fabrizio. Voilà. Pas pourquoi, mais. Non, voilà, c'est vrai. Non, que... et puis on ressent une émotion quand tu la chantes, cette chanson. Oui. Parce que moi, c'est la première fois que je t'entends chanter, honnêtement. Mais moi, je vous invite sincèrement à le voir en live aussi. En live, oui. Bah, d'autant mieux parce que. Oui, ça aurait été fantastique. Voilà, parce qu'en live, c'est la surprise. Le 16, le 17. Voilà, le 16, 17, 18, je vais Tu peux pas, mais. Aïe. Au petit zizi. Au chin chin. Ah, t'étais pas là, non? Parce qu'apparemment, chin chin, ça veut dire petit zizi. Moi, en chinois, ouais. Chin chin. En liégeois, chin. Ah oui? Bernard, si tu nous entends. Allez, chin chin. Merci pour m'avoir cassé ma salle, les gars, c'est sympa. Hein, plus de salle, donc il n'y a plus de salle, il n'y a plus de concert. Allez, on rappelle effectivement donc, cet événement, donc le 16 et le 17 décembre. Rappelle le tout, allez Véro, ce qui va s'y passer. Alors le 16, c'est le spectacle d'Alexis Confortorio, le spectacle de Noël, avec des chants de Noël, tout ça, avec Martine Viala. Et donc l'entrée est à 20 euros. Dans l'entrée, vous avez le spectacle plus l'apéritif, les akouski. Et c'est ça, oui. Les toasts, si tu veux. Et donc soit carbonade frites, et ceux qui n'aiment pas, c'est poisson sauce crustacée frites, papillote de poisson sauce crustacée frites, puisque on est quand même en Belgique. Une fois. Et même deux fois si tu veux. Et puis le lendemain, y a donc Nolan, Fabrizio, Mélanie et Alexis et Martine qui vont chanter. Là, l'entrée, c'est aussi 20 euros. Et pour voir les. C'est quand même pas cher, hein. Non. Et, avec un quai royal. Vous avez un quai royal et une assiette de Zakouski. D'accord. Par personne. Non, et vous voyez, vous avez quand même 5 bonnes artistes sur scène. Donc, voilà. Ouais, un beau spectacle, ça fait chouette. Et pour une bonne cause. Enfin. Alors, et pour découvrir quand même le super titre. Et pour le super titre. Voilà. Absolument. Et donc, pour réserver, rappelle-nous. Alors, soit. De toute façon, vous allez sur notre page Facebook. Vous tapez un rêve, une étoile. Il y a la billetterie qui est en ligne pour celui qui veut. Et sinon, vous réservez directement au Chin Chin. Voilà, donc, à Antoine. À Antoine, voilà. Voilà, bah, écoute, c'est noté. On peut dire aussi également que Fabrizio se produit aussi le surlendemain. Oui. Bah, on peut en parler quand même. Donc, et puis c'est dans le coin aussi, donc parlons-en. C'est ça, ouais, au Table de Bruegel. Table de Bruegel, le 18. Ouais. Alors là, il faut faire vite aussi, parce que les réservations... Oui, parce que c'est très vite complet. C'est vite complet, parce qu'on y mange bien. Et puis, voilà. Mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. On a un bon chanteur avec, quand même. Bah oui, mais est-ce qu'il réserve pour manger ou est-ce qu'il réserve pour aller voir Fabrizio? Ça, c'est la bonne question. C'est un peu des deux. Tu crois? Hein? Bah oui. Tu sais, les gens, c'est un dimanche, les gens s'ennuient. Voilà, s'ils veulent changer leurs idées, ils sont là pour s'amuser. Tu sens ça, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de chanter. Bien sûr. Tu sais qu'il y a une chanson que je chantais. Je me suis arrêté de chanter, ils ont tous chanté, mais quasi la totalité de la chanson. C'était laquelle? Ça, c'est chouette, ça. Hein. C'était une chanson d'Edith Piaf. Ah oui! Tu me fais tourner la tête. Ah oui! Ben, voilà. Ils l'ont chanté, je trouve ça génial, moi. Ah oui, à ta sauce alors, j'imagine. Bah oui. Ouais, évidemment. mais vraiment, je pense que les gens ont besoin de changer les idées, de danser, de chanter. On est tellement dans une période un peu morose que. Allez. C'est génial, il faut venir voir ça. Et le 16, ce sera pareil, de toute façon, le 17, C'est le 17. Le 17 que tu chantes, voilà, ou pas. Il n'y a pas le 16 parce que. Voilà, bah, moi je suis sûr. Va pas à Antoine le 17 et le 16 au table de Bruegel, tu vas avoir l'air con. Hein. Ouais, c'est ça. tu mangeras bien. Tu mangeras bien les deux fois, mais voilà. Tu chanteras pas. Par contre, si je peux juste dire quelque chose, et c'est hors sujet, et c'est parce que ça me tient vraiment à cœur. Il y a eu plein de choses qui ont circulé dernièrement sur Super Nanny, Sylvine Genali. Ah oui, tiens, dis donc, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai pas suivi. Qui a soi-disant, qui maltraite les enfants, qui fait plein de choses. Enfin, le CSA veut arrêter l'émission. Enfin, ça fait tout un foin. Il y a une pétition qui a circulé. Je voulais juste te dire que Super Nanny, elle est ambassadrice aussi de l'association Guérie du Cancer, qui s'occupe d'enfants qui sont en cancer, qui ont un cancer, et qui fait plein de choses, mais plein de choses en dehors de la télévision, en dehors des caméras. Et que moi, je dis que si maintenant, donner une bonne éducation à un enfant, lui faire dire merci, être poli, respectueux envers les adultes et envers ceux qu'il côtoie, c'est de l'irrespect, de la maltraitance, alors on peut faire une pétition contre moi aussi. On va le faire. Et cette dame, il n'y a pas de souci. J'assume parce que voilà, je trouve que c'est comme ça qu'il faut élever ses enfants. Et cette dame, elle a un cœur gros comme ça. En plus, elle soutient notre association. Donc voilà. Et je voulais juste faire mon petit coup de gueule là. Ah, c'est ça en fait le problème qu'avec Super Nanny, c'est qu'on la soupçonne de maltraitance. On dit qu'elle a maltraité les enfants, alors que cette femme, oui, parce que des fois, elle crie forcément sur les enfants. C'est un peu son rôle. Voilà. Faut savoir qu'à la base, elle était quand même nounou. Enfin, c'est son rôle. Elle était quand même voilà. Donc elle sait ce qu'elle fait. Après, des méchancetés gratuites. Moi, c'est un truc que j'ai horreur. Donc voilà, je voulais juste pousser mon petit coup de gueule pour Sylvie Genali, qui est une femme vraiment comme ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah bah écoute, le coup de gueule est passé. Le coup de gueule est passé. Moi je connaissais pas donc, mais. Moi j'ai déjà vu une de nos émissions. Non, franchement. Bah alors, attaque le grand frère aussi. Quoi. Tu reviens dans toutes ces émissions. C'est... Ah bah oui, on devrait faire une pétition, surtout pour arrêter les Marseillais contre des ch'tis et les machins. Ça, ouais, là, c'est vrai que c'est de la violence gratuite par contre. Là, c'est de la connerie gratuite. C'est ça. Ouais. C'est de la connerie gratuite, absolument. Ouais, c'est un truc de fou. Eh bien, et toutes les bonnes choses ont une fin. Il va sauf le saucisson, qu'il y en a deux. Canon, réponds. S'il te plaît, comment on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On reste dans la saucisse partie là. Non, mais si l'émission est terminée, donc il y a bien d'autres choses qui n'y a pas que deux. Mais j'ai pas eu trop la part. Donc, oui, on t'a pas beaucoup. Je vais finir sur ça. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous rappelle, allez. Sur les debout. Toujours sur les debout, bien sûr. Toujours. Donc voilà, passez une bonne soirée aussi. Et puis voilà, le 16 et le 17 avec Fabricio, Nolan et tous les autres invités. Voilà. Donc au chin-chin à Antoine. Table de Bruegel, ouais. Où on y mange très bien. Ça, voilà. 18, continuez ouais. Aussi à m'envoyer vos photos. J'aime beaucoup. Non, c'était un message personnel. Ouais. Et nous recherchons toujours. Alors, raconte un peu l'anecdote. Pour Harry, donc nous recherchons toujours un petit chauffage électrique. Un petit chauffage qu'on branche sur les cigares. Allez, je vous embrasse tous et toutes. Merci à Fabrizio, merci évidemment. À vous, merci à toi. À très bientôt, je l'espère. Bientôt. Véro, merci. Mais merci à vous, comme d'habitude. Merci à toi aussi, Onissa. Et à très bientôt. À la semaine prochaine, promis juré. Ah bon? Oh merde. Sherlock, nous aussi, pareil, la semaine prochaine, même heure, même antenne. Alors, si ma mémoire. Et tu nous raconteras ton film. Ah oui, tu raconteras tout ça. Et puis, j'espère qu'on aura Stéphage, puisque c'est le défi mix. Oui, exactement. La semaine prochaine. Stéphage. Donc voilà, et puis on retrouvera aussi Flutcat, ou alors il va arriver là, nous faire un petit coucou, ou nous taper dessus, on sait pas. Peut-être, peut-être aussi, ouais. Enfin, ça a du plaisir. Allez, on termine en musique. Ouais, alors Fabrizio avait demandé Madonna tout à l'heure. Non, donc, il avait pas demandé, il disait Madonna, c'est moi qui avais mal compris, mais je vais quand même mettre Madonna, donc avec le titre La Isla Bonita, et pour faire le lien justement avec Michael Jackson, parce que La Isla Bonita, je ne sais pas si tu le sais Fabrizio, mais était destiné à la base à Michael Jackson. Ah bon? Eh ouais, et Michael Jackson l'a refusé, et c'est comme ça que Madonna a récupéré le titre. Et aurait, ça aurait été les mêmes paroles, tu crois? Non, je pense pas, mais... Je pense pas qu'avec Michael Jackson ça aurait marché. Non, je pense pas. Non, mais je pense que c'était surtout la musique en fait qui était destinée à la base à Michael Jackson. Parce que je sais pas si il a pas accroché. À l'origine, The Zai Zai, c'était pour Michael Jackson. Hein. Zai Zai. Non, mais c'est Pierre Perret qui l'a pris en français. Ah, le Zai Zai, le Chin Chin. Le Chin Chin. Le Chin Chin. Bon, donc allez, même heure, même antenne la semaine prochaine. Ouais, voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous. Como puede ser olvidado Lullaby.